Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 28. Comme d'habitude, je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, comme chaque semaine, télécharger notre PDF hebdomadaire qui contient tous les articles parus durant cette même semaine. Je vous y invite et surtout à partager avec vos amis ou contacts, notamment par email. Le PDF est un format qui s'y prête particulièrement. Je voulais aussi remercier les donateurs qui permettent à Démocratie Participative de continuer son travail d'information, de réinformation. Premier don, c'est Rajmod qui nous écrit « Bonjour à l'équipe de DP, vous trouverez dans votre wallet Monero quelques shekels, environ 10 dollars. Je vous suis depuis la saison numéro 1 et c'est un plaisir de vous retrouver chaque mardi. Salutations démocratiques et participatives. » Merci à toi Rajmod. Deuxième don, c'est Lucas qui nous dit « Bonjour, je vous ai fait un deuxième don mensuel d'environ 50 euros. Merci pour votre travail. » Merci à toi Lucas. Troisième don, bonjour les démocrates, un don de 15 dollars en bitcoin pour encourager votre revue de presse. Je trouve que vous ne faites pas de sujet sur la fin de programmer des arts en France. Quand notre pays sera officiellement islamique, la musique, le dessin, la sculpture seront bannis. Je crains ce jour où 400 musulmans, français bien sûr, vont forcer les portes du Louvre et commencer à tout casser, à jeter les statues de marbre à même le sol, à déchirer la Joconde. Bref, on sait que c'est pour bientôt et ça fait mal. Salut à vous. Et ça, c'est Aesop qui nous écrit. Bon, il faut être un peu plus optimiste quand même, Aesop. Quatrième don, c'est Jean qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer avec un peu d'avance l'équivalent de 25 euros au titre du mois de juillet. Salutations. » Merci à toi, Jean. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ne se sont pas manifestés par écrit. Et si éventuellement on vous a pas cité alors que vous nous avez écrit, j'en suis désolé. N'hésitez pas à nous recontacter pour corriger cette erreur. Je vais présenter maintenant les membres de cette semaine. Nos participants, nos démocrates participatifs, je vais commencer avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. MacDav est aussi présent avec nous. Salut MacDav. Salut à tous les amis. Hopman America nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Hopman. Salut tout le monde. En avant. Guingamp. Une ville de plus en plus noire. Ah oui, en avant les nègres, en avant les nègres. Fulbert, salut Fulb. Bonsoir à tous, bonsoir Gandalf. Salut enfin Adéric, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Oui, salut Gandalf, salut les gars. Et loué soit les Terres Nègres, qui cette semaine nous a fait plaisir en Panthéon. La République. Moment de recueillement. Oui, ah, c'était très spirituel, j'étais extrêmement ému. Spiritual Negro. Surtout quand ils sont allés chier sur la pierre de Simone Veil. C'est vrai. Mais on va en reparler. Alors, rubrique numéro 1, question des lecteurs. Vous le savez, chaque semaine, si c'est possible, si des lecteurs se manifestent, nous posons une question de la part des lecteurs, à la fois aux participants et éventuellement à d'autres lecteurs. Alors, voici la première. Enfin, voici la question, pardonnez-moi. Salut à tous les démocrates participatifs. Je me présente, je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, et je vous envoie ce mail pour vous proposer une question dont j'ai trop peu entendu parler sur votre site et même sur DEMPA. Là, je pense qu'il fait référence au board. Hein. Que pensez-vous de l'agriculture actuelle ? Monoculture, mécanisation intensifiée, suicide des agriculteurs-éleveurs, etc. Question subsidiaire. Je m'intéresse de plus en plus à une forme totale d'autonomie, que ce soit en termes d'eau, de nourriture, d'énergie, comme l'électricité, etc., pour tout simplement pouvoir me passer au maximum de la société de consommation. Et justement, je pense avoir trouvé une méthode pour répondre à ces besoins. Cette solution s'appelle la permaculture, et ma question est toute bête. Que pensez-vous de la permaculture ? Voilà pour mon mail, je vous remercie naturellement pour tout le travail que vous faites. Je compte dans un futur proche vous envoyer quelques deniers pour vous récompenser de vos efforts quotidiens pour maintenir le site et contribuer, je l'espère, à la révolution blanche. Mes salutations participatives, Sieg Heil. Alors, j'ai pas le nom là du démocrate, mais la question est posée. Alors, premièrement, ce qui est bien avec les questions des auditeurs, c'est que si des auditeurs sont très versés dans la question posée, vraiment, c'est presque des pros, dirais-je, qu'ils n'hésitent pas à répondre, on pourrait comme ça faire un dialogue d'émission en émission. Si vous voulez, d'une personne qui pose une question à quelqu'un qui peut répondre vraiment dans le détail. Alors évidemment, nous ici, on peut apporter des éléments de réponse, mais si jamais le domaine en question est vraiment très spécial, très spécifique, la question très pointue, peut-être que des gens dans le public peuvent apporter donc des précisions ou des informations complémentaires. Voilà. Donc là, je le dis comme ça. Si voilà, je sais qu'il y en a des gens qui connaissent bien le domaine, donc ils voudront peut-être se manifester. Alors, la question est posée, du coup, moi j'ouvre le sujet à nos participants. Ce n'est pas dit d'ailleurs que parmi nos participants de cette semaine, il y ait des connaisseurs sur ce sujet de la permaculture, ben voilà, ou de l'autarcie en général. Alors, qui veut répondre ? Vaste programme. Je vais commencer, sauf si MacDav veut prendre la parole. Non, vas-y, Open. Alors la permaculture, c'est un sujet qui est intéressant, ça a commencé à être traité avec pas mal d'insistance là, à partir des années 2012 avec notre ami Piero Sanguino, notamment, les Vic survivalistes, Vol West, ce genre de personnes. Donc on avait un regroupement de plusieurs centres d'intérêt, donc l'autarcie via l'agriculture, la question d'armes à feu, la question de résilience individuelle ainsi que communautaire. La permaculture, bon, on appelle ça comme ça, mais c'est tout simplement en quelque sorte l'agriculture paysanne remise au goût du jour avec les problématiques contemporaines. Parce que l'Europe paysanne d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était une société qui était bien plus résiliente que la nôtre, puisque même s'il y avait déjà des disparités entre les villes et les campagnes, dans le sens où les villes ne produisaient rien et étaient dépendantes des campagnes, ce qui a favorisé l'émergence des marchés noirs durant la guerre. On a vu une agriculture paysanne qui faisait que, individuellement, sur une échelle locale, les gens étaient à même de produire leur propre nourriture et donc de nourrir les gens autour d'eux, ce qui faisait que, tant individuellement que collectivement, les nations étaient plus solides, en fait. Alors que quand on a des grands centres agriculturels avec des grandes coopératives ou des très grands exploitants, que les gens aux alentours vont se nourrir au supermarché, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un problème systémique et de voir tout se casser la tronche, quoi. Moi, le seul problème que je vais avoir avec la permaculture, c'est pas tant le concept en lui-même, puisque c'est un concept qui est très clairement, c'est un concept qui n'est pas de gauche. L'écologie, pour moi, c'est pas quelque chose de gauche, c'est quelque chose qui, on parle d'enracinement dans un terroir, donc c'est vraiment vraiment identitaire, c'est vraiment d'extrême droite. Enfin, extrême droite, vous me comprenez. La seule chose qui me dérange avec ce milieu-là, c'est qu'il est infesté de gauchistes. Et on peut pas foutre un pied dans un assos qui vend les produits directs entre entre le producteur et le consommateur sans faire de la grande distribution, ou alors les gens qui gèrent les AMAP, genre de choses, sans tomber sur un gauchiste. À chaque fois que je cherche des projets intéressants, tu as toujours des gauchistes. Par exemple, la dernière fois que j'ai regardé un truc, il y avait un agriculteur bio qui avait des céréales, qui avait de l'eau potable avec une mare, avec, enfin avec un étang, avec il y avait des bestioles, et j'ai regardé son profil Facebook. Le mec, on le voyait avec sa négresse et sa gamine métisse, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est une aberration, en fait. Mais sinon, effectivement, pour tous les gens de notre bord, si vous avez les moyens de vous lancer là-dedans, c'est-à-dire que si vous habitez à la campagne ou si vous voulez vous installer à la campagne, faites-le. Parce qu'effectivement, vu l'océan de mer dans lequel on va être projeté dans les années à venir, si on a des petits villages gaulois ou des petits îlots de tranquillité autarcique, bah, c'est pas plus mal. Alors, MacDev voulait parler. Oui, enfin, le sujet est très, très, très, très, très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Que penser? Alors déjà, je vais donner un conseil. Si tu veux être autonome en énergie, la dernière chose à faire, c'est de contacter l'administration française. La toute dernière chose à faire, c'est ça. Donc, si tu veux mettre du photovoltaïque ou du micro-éolien, et que tu décides de faire les choses, entre guillemets, légalement, de contacter Enedis pour leur vendre l'électricité et compagnie, c'est le truc à ne surtout pas faire. Vraiment, je te donne ce conseil. Démerde-toi pour avoir un réseau qui n'est pas connecté au réseau extérieur. Voilà. Même si, effectivement, en France, c'est illégal. Enfin, c'est considéré comme illégal, sauf... Si tu bénéficies de dérogations qui sont très très longues à obtenir d'un point de vue légal. Il ne faut surtout pas le faire. À partir du moment où tu te signales, on va te faire chier. Et les gens vont venir te faire chier. Donc fais les choses discretos. Achète-toi des panneaux où tu veux. T'es même pas obligé d'acheter un onduleur. Hein. Tu peux te démerder pour avoir un maximum d'appareillage en continu. Et puis fais les choses dans ton coin. Voilà. Achète-toi du matos pour avoir de la récupération de pluie. Du matos même étranger, qui est pas mauvais, hein, pour du photovoltaïque. Et ne contacte surtout pas l'administration, parce que l'autonomie énergétique est particulièrement mal vue par l'État français. Voilà, c'est le conseil que j'ai à te donner. Sinon, pour le reste... J'ai une question sur ce que tu as dit. Tu dis voilà, tu peux trouver du matériel. Est-ce qu'on peut facilement se procurer du matériel qui n'est pas neuf, c'est du matériel d'occasion, de bonne qualité, mais d'occasion pour attirer peut-être un peu moins l'attention, par exemple. Oui. Par contre, je le déconseille parce que il y a une forte. Bon rendement, quoi. Oui, les panneaux photovoltaïques, d'une part, ont beaucoup progressé en rendement ces dernières années. Et en plus de ça, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, elle est réduite. Ça peut être 20, 25, 30 ans. Et plus le temps passe, plus le rendement du dit panneau tombe. Donc, faut éviter, quoi. Ouais, mais pourquoi pas, Peut-être qu'à la place de faire du photovoltaïque, selon l'installation aussi, si c'est individuel, c'est compliqué, mais il y a la méthanisation qui est très intéressante. Puisque là, tu vas recycler absolument tous les déchets, qu'ils soient humains, botaniques ou animaux, et ça peut facilement rentabiliser une installation qui au départ a un coût assez important. J'avais déjà vu un reportage sur un... Bon, lui, c'est un agriculteur, donc il avait ses animaux, je crois qu'il avait aussi connecté sa maison, et il avait aussi il avait la voirie qui lui amenait toutes les herbes fraîchement coupées. Et ça lui permettait d'être complètement alimenté en électricité sur toute son exploitation ainsi que sa maison, et d'avoir un bon surplus chaque année à revendre à EDF. Donc, en fait, pourquoi est-ce que tu déconseilles de faire les déclarations et d'être connecté au réseau pour revendre? Alors, là, on parle d'une installation industrielle qui n'est pas forcément autonome. Le but, c'est de faire du bénéf. Donc les gens qui font ça, c'est des éleveurs, ça peut être des producteurs de luzerne. C'est quand même un investissement. Hein. Alors oui, c'est rentable. Mais enfin, faut voir ce que ça représente, hein. T'as des grandes rotondes où on te met du lisier pour récupérer du méthane. Le méthane, il faut le brûler, hein. Donc généralement c'est des cogés, donc enfin des cogénérations. Donc c'est tout simplement une turbine qui va prélever à la fois l'énergie thermique et l'énergie électrique, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On peut le faire au niveau domestique avec une cogénération à gaz. Ça existe beaucoup en Angleterre. En France, c'est assez mal vu également. Si je déconseille d'appeler l'administration, c'est que c'est tout simplement que vous n'avez pas le... Si vous... Comment dire, on peut vous faire chier. Voilà, il y a des gens qui ont fait chier. Par exemple, tous les gens qui ont des péniches en ville, hein, ils ont des contrats de chantier, et ils sont régulièrement emmerdés parce que c'est des contrats qui sont en principe pas reconductibles dans le temps. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir des installations un peu autonomes. Le but du compteur Linky, hein, c'est d'en mettre un dans chaque maison. Hein. Et quand on en aura un dans chaque maison, on pourra contrôler ce que chaque individu fait. Donc tu peux tout à fait avoir une installation photovoltaïque récente. Si tu appelles EDF, je te garantis que tu auras droit à ton beau compteur Linky. Bon, moi personnellement, je ne le ferai pas. Surtout pour des raisons éthiques, hein, pas forcément pour des questions de magnétisme, parce que bon, maintenant les câbles sont blindés. Faut tout simplement pas appeler l'administration française quand elle a pas à se mêler de choses qui ne la regardent pas. Voilà. Tout simplement, si elle commence à fourrer son nez dans le truc, elle va te trouver des lois pour t'emmerder, et s'il n'y a pas de loi, elle en fera. Donc n'appelle pas les autorités, sauf si ton objectif effectivement c'est de faire un gros truc. Et tu verras que si t'es autonome d'un point de vue énergétique, tu vas te rendre compte que en fait t'as pas besoin de consommer tant que ça, parce que tu vas faire gaffe à ce que tu vas consommer. Quand tu produis quelque chose, tu consommes les choses de façon totalement différente. Tu vas pas gaspiller. Tu vas te rendre compte que ah ouais, bah finalement j'ai pas besoin de ça. Finalement, mon ordinateur ou ma box qui tourne trop longtemps, ça sert à rien qu'elle soit allumée tout le temps. Donc tu vas vraiment réduire ta consommation au maximum. Voilà pourquoi moi je déconseille de faire quelque chose entre guillemets dans les règles administratives. C'est pour cette raison, sauf si effectivement t'es un paysan et que t'as besoin d'un demi-salaire en plus pour vivre. Là, c'est différent. Derek voulait prendre la parole. Oui, non, je voulais juste noter sur le panneau solaire ce qu'a dit MacDav sur les rendements et puis sur le fait que oui, tu peux en acheter 900 assez facilement ça, à l'étranger sur des plateformes. Asiatiques, hein, par exemple, ça se fait venir hein, comme une lettre à la poste, hein, quasiment. Après, sur la question de la permaculture en elle-même, bon, moi j'avais regardé ça il y a quelques années, rapidement, quoi. Hein. Je sais qu'il y a des types là, comme Pierre Rabhi qui sont là-dedans. Je sais pas si vous voyez le type là, sobriété heureuse et compagnie. Bon, à première vue, ce type là est un escroc. Hein. C'est un Algérien déjà, ça commence par ça. Oui, oui voilà, déjà c'est un métèque. Hein. Et son soi-disant modèle durable pour la société, etc. etc. Bon, déjà, ça ferme à lui, c'est pas viable. Donc je sais. Bon. Prévoir quelque chose. Oui, bah ça c'est différent parce que c'est des gens qui je veux dire, il y a tout un business là-dessus, etc. Oui. Là, c'est quelqu'un qui dit voilà, bon, moi j'ai envie de travailler sur oui. mon autonomie si. individuelle. Voilà, si j'aimerais au niveau domestique, j'aimerais pouvoir atteindre ça. Se faire ça ou une base arrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours bien d'avoir un petit coin de la nature avec de quoi se faire à bouffer, même si c'est, tu vois, même si ça va être pas forcément dans l'abondance. Mais tant que ça reste comme ça, c'est très bien. Mais voir ça comme quelque chose de pérenne au plan civilisationnel, j'ai de gros doutes. Hein. Ouais. Je crois pas que c'est ce qu'ils disent. Ils disent simplement, voilà, oui. Moi, à titre personnel, c'est ce vers quoi je veux évoluer. À l'heure actuelle, ce qu'il peut faire, il faut faire des formations là-dedans, c'est faire, je sais pas, devenir agriculteur, mais dans quelque chose de spécifique, quoi, une niche de qualité, du bio, de faire de la bonne charcutaille dans un coin, ce genre de truc, tu vois. C'est du bon produit que tu vends bien, il y a toujours des gens qui achètent ça. Non, mais je pense pas que ce soit ça qu'il a en tête. Je pense plutôt qu'il a un travail, quel qu'il soit, et qu'il voudrait à côté se lancer dans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo pour se divertir, et puis il y en a qui plantent des choux, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant comme concept. En revanche, la faille toujours dans ces projets-là, c'est l'humain, dans le sens où si toi tu fais ça tout seul ou avec ta femme, alors je sais pas quel âge il a, l'auditeur, mais. 22 ans, il a. Ouais, voilà, en plus il est jeune. Donc il faut que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver une maison qui a suffisamment de terrain, qui est dans un endroit suffisamment tranquille, mais pas trop éloigné de tout, parce que si t'es trop loin de tout, dès que tu bouges, sachant la faune qu'on a en France, tu peux éventuellement te faire cambrioler ou tu peux te faire voler ton matériel, machin, tout ça. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre la proximité immédiate des voisins, la qualité des voisins, le fait qu'il faut aussi que tu trouves une copine, que tu en fasses ta femme, que tu fasses des enfants avec elle et compagnie. Donc le projet, dans l'absolu, oui, c'est très bien. Maintenant, comment tu vas t'organiser, ça c'est une autre question. Il faut vraiment que tu trouves des gens de qualité pour t'accompagner ou des gens de qualité qui sont intéressés eux-mêmes dans cette même démarche et que tu travailles en amont pour les tester, quoi. Parce que sur le papier, il y a des gens, quel que soit le bord politique, hein, il y a plein de gens qui sont intéressés pour aller vivre à la campagne, retrouver un petit peu les valeurs d'antan et tout ça. Enfin, oui, c'est bien, mais je veux dire, si toi, tu te fais un petit paradis NS et que à côté, ton couple de voisins hyper sympa, qui sont toujours en train de t'aider, avec qui t'échanges énormément de choses, d'un point de vue pratique, d'un point de vue même matériel, qui te filent des coups de main, que tu vas les aider, il y a vraiment un lien qui se crée, mais que derrière, ils décident d'ouvrir leur maison à 15 migrants, à 15 clandos, à 15 princes du Djebel, comment tu fais, quoi? Et ça, c'est vraiment un projet très intéressant, mais il faut vraiment le coucher sur papier, il faut vraiment... vraiment penser à tout, quoi. Alors moi, je vais aussi m'exprimer là-dessus. Il a posé plusieurs questions dans sa question. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'il a soulevé, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture intensive, disons l'agriculture contemporaine. Là, on parle vraiment du business, des suicides des paysans, etc. Alors. Évidemment, je ne suis pas un professionnel du monde de l'agriculture, vous l'aurez bien compris. En revanche, j'ai quand même connu un certain nombre d'agriculteurs, à la fois des agriculteurs, notamment des gars d'expérience qui étaient des syndicalistes paysans, qui avaient été à la fois dans le système et en dehors du système, c'est-à-dire qui avaient commencé, qui avaient toujours été dans le milieu, dans le monde paysan, qui avaient familialement accompagné la mutation des fermes qui étaient pratiquement des fermes vivrières dans les années 50, des fermes familiales vivrières, et qui ont basculé dans la modernisation, et qui est donc à accompagner cette espèce d'élimination progressive et annuelle, et planifiée, parce qu'il faut le souligner, planifiée, de ces fermes vivrières pour rentrer dans la concentration et la modernisation et la mécanisation que ça implique, quoi. Et donc lui, il a vu la casse que ça a eu, cette personne-là, et puis d'autres, ils ont vécu toute cette destruction du monde paysan, l'exode rural, les résistances syndicales face à ces grands projets, et puis moi j'ai rencontré des mecs qui n'y sont pas parvenus, C'est-à-dire que c'est comme une course de fond, si vous voulez. Vous avez ceux qui, et par décennie, c'est, vous avez ceux qui ont survécu dans les années 60, ceux qui ont survécu dans les années 70, ceux qui ont survécu dans les années 80, puis 90, là ça a commencé à devenir vraiment très difficile. Dans les années 2000, là on est arrivé, ce que un certain nombre d'agriculteurs appellent d'ailleurs volontiers le génocide paysan, c'est-à-dire qu'on a vraiment fini le boulot. Et maintenant, si vous lisez un petit peu la presse spécialisée agricole, là je parle vraiment des gros lobbies, hein, de l'agroalimentaire, quoi, hein, des coopératives, des banques, de quoi ils discutent? Ils disent, bon, on est en retard, la productivité française est en berne, si vous comparez à des pays comme le Danemark, qui a opéré une hyper-concentration ces 10 dernières années. Donc ils ont fait de nouvelles réformes, entre guillemets, structurelles au Danemark, par exemple, ou même aux Pays-Bas, pour réduire le nombre de paysans, réduire le nombre d'unités de production et concentrer. Voilà. Ce qui vous donne non pas des fermes de 1000 vaches, mais des fermes de 10 000, de dizaines de milliers, si vous voulez, d'animaux. Et en fait, quand vous écoutez les discussions aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du lobby agroalimentaire, bon, bah, clairement, au programme, c'est comment on fait pour les copier. Et si on essaye de les copier, ça veut dire qu'on va encore écraser, comment dirais-je, des paysans, des agriculteurs, on va encore en éliminer, on va encore concentrer, etc. Ce modèle-là, il n'a aucune raison de s'arrêter, si vous voulez, ils vont continuer avec ce modèle-là, c'est le même modèle depuis 60 ans, ils ne vont pas arrêter. Donc, vous avez des gens, si vous voulez, qui vivent très bien, parce que dans les médias, en fait, vous avez, on en parle à la fois et on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'on parle de temps en temps du suicide chez les agriculteurs, mais comme si ça affectait tous les agriculteurs, ce qui n'est pas vrai. Vous avez des agriculteurs, en fait, qui sont des agri-managers, qui sont des gens richissimes, d'accord, des pontes du monde de la céréale, dans la Beauce, etc. Mais, si vous voulez, ces gens-là n'ont rien de commun avec un agriculteur d'une région plus rurale, qui n'a pas du tout le même réseau et qui est, en fait, totalement réduit en esclavage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est totalement dépendant de ses crédits, donc de sa banque. Il doit obéir, je veux dire, aux syndicats que vous connaissez, je pense, ces grands syndicats. La FNSEA, pour ne pas la nommer, bien sûr, la FNSEA qui, avec les chambres d'agriculture, procède à l'élimination de ceux qui doivent disparaître. Vous comprenez, il y a des décisions, des conciliabules dans chaque département, dans chaque région, où on va dire, voilà, le prochain objectif, c'est comme dans une économie planifiée, il faut comprendre ça, c'est comme en Union soviétique, si vous voulez, on dit, voilà, il faut atteindre tel objectif, bon, il y a un certain nombre de paysans qui doivent disparaître, et là, ensuite, c'est la corruption généralisée, c'est-à-dire, là, c'est des assassinats, si vous voulez, pratiquement économiques, parfois littéraux d'ailleurs, parce que ça se termine effectivement en suicide, où on a décidé qu'un tel n'allait pas pouvoir accéder à de nouveaux prêts pour procéder à ce qu'on appelle la modération, etc. Bon. Donc dans ce modèle-là, il n'y a pas vraiment d'espace pour survivre. Puis si vous posez la question des suicides, en fait, chez les paysans, en fait, c'est voir le problème par la fin, en fait. Parce qu'il y a toute une série de problèmes qui se posent pour un agriculteur, et pas uniquement d'ailleurs du strict domaine de l'agriculture. Vous avez aussi le domaine très connu de la compagne de l'agriculteur. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne trouvent pas de compagne. Bon, quand vous faites des journées pas possibles, parce que ces gars-là, beaucoup de ces gars-là, ils comptent pas leurs journées, ils comptent pas leurs heures. Bon, s'ils n'ont pas de compagne à la maison, psychologiquement, c'est très difficile, si vous voulez. À la fois pour, effectivement, et puis pour la comptabilité, si jamais il y a un pépin de quoi que ce soit, un pépin familial, etc., vous avez besoin de soutien, il n'y a personne. Etc. Bon, ça met les gars sous pression, et pour un peu que ils soient exposés sur un marché et que ça se passe mal, il y a des mecs qui vont pas réfléchir et ils vont se foutre une corde autour du cou. Bon, ça arrive très fréquemment, malheureusement. Donc, je voulais juste en parler un peu parce qu'il posait la question, il dit, oui, qu'est-ce que vous pensez de tous ces suicides, etc. Là, bah, typiquement, le paysan qui se suicide, l'agriculteur qui se suicide, c'est un type qui est dans cette mécanique gouvernementale et bancaire et qui est tout à la fin de la chaîne alimentaire. Et ce type-là, à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où les grands dirigeants ont décidé qu'ils allaient en exécuter un certain nombre, après, c'est le sauf qui peut. Vous allez voir des luttes terribles dans les mêmes régions, si vous voulez, dans les mêmes départements, etc., pour essayer de survivre. Et vous allez voir des trucs vraiment pas beaux se passer pour essayer de pousser le voisin à la faute, le faire tomber, le faire disparaître. C'est un monde extrêmement brutal, le monde paysan. Donc, si l'auditeur pose la question, j'envisage peut-être de devenir agriculteur, etc., alors sauf un domaine très précis, très particulier, qu'il maîtrise ou dont il a déjà une idée particulière et qui veut y aller, moi, je recommanderais pas comme ça d'y aller, en tout cas, hein, surtout sans connexion, surtout sans soutien. En France, l'achat de terres agricoles est réservé aux entreprises agricoles. Donc c'est extrêmement difficile d'acheter un champ pour un néo-rural. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, c'est difficile. C'est pareil, moi aussi je connais beaucoup de paysans, plutôt d'un point de vue industriel. Hein. C'est absolument pas rose, hein. Vraiment. Faut voir ce que c'est. Et la concentration des terres, elle s'est faite avec l'éviction des fils, enfin surtout des cadets, les dettes. Typiquement la banqueroute, on pousse à la banqueroute pour pouvoir récupérer de la terre. Et il suffit de voir la taille moyenne de l'exploitation partout en France. Hein. Ça grimpe. C'est-à-dire maintenant, une exploitation de céréales de 500-600 hectares, ce qui était considéré comme énorme il y a encore 25-30 ans, c'est maintenant une belle exploitation, quoi, mais plutôt de taille moyenne. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Et le rendement, d'ailleurs, est à la baisse. Au niveau de l'hectare, en France, le rendement de céréales baisse. Alors, c'est les sols s'appauvrissent. La monoculture a ses limites. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire une polyculture intensive, parce qu'il suffirait de modifier les outils agricoles. Hein. Je pense que c'est la prochaine révolution à venir, c'est celle-ci. Hein. C'est l'alliance de la mécanisation et de l'intelligence artificielle avec la polyculture. Mais le terme permaculture me paraît tellement vaste que c'est très difficile d'avoir une pensée sur quelque chose de suffisamment vaste. Pour moi, mes grands-parents faisaient de la permaculture sans le savoir. Ils avaient compris que la merde de lapin, il fallait la répandre, que si tu mettais telle plante à côté de telle autre, le rendement pouvait s'améliorer, que effectivement quand tu faisais gambader tes poules dans un champ, ça faisait de la merde, ça faisait de l'engrais, ça pouvait enlever les parasites. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça, en fait. La nouveauté, c'est premièrement l'intelligence artificielle et la connaissance que permet en fait l'échange de savoir et de retour d'expérience des paysans par internet. Ça, effectivement, aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que les paysans du monde entier peuvent échanger. Et il y a des formes d'almanach globaux extrêmement détaillés qui permettent d'avoir une connaissance du sujet très, très précise. Parce que l'almanach, c'est ni plus ni moins que l'écriture année après année. Moi, j'avais regardé ça sur... mon arrière-grand-mère faisait ça. Elle avait un carnet. Tous les jours, sans exception, tous les jours, elle te notait le temps, la météo, les conditions des animaux, elle notait tout ça. Et tout le monde connaît les dictons, à la Saint-Elle, tu ne devras pas faire ça. C'est de l'expérience paysanne, c'est de l'empirisme pur. Et vu que c'est partagé via internet, ça crée une forme de savoir global qui est assez extraordinaire. Donc là-dessus, c'est bien. Mais bon, je pourrais pas en dire plus, quoi. Voilà. Si il vise à l'autonomie personnelle au niveau domestique, je pense que c'est un très bon objectif. Auquel cas, je pense qu'effectivement, c'est recommandable au niveau énergétique, au niveau de l'eau, etc. Il y a des choses à faire. Il y a aussi essayer de parce que je pense quand même que, à mon bon il y a moi il y a quelque chose auquel je j'adhère personnellement. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'être à proximité d'une grande agglomération en France dans les décennies à venir. Je pense que c'est pas une bonne idée. Après, il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême qui consiste à se cacher au fin fond d'un bosquet dans le département le plus rural du pays. Vous voyez, il y a un compromis à faire. Mais après, ça va aussi dépendre du budget qu'on peut allouer soit à l'achat d'une propriété dans une commune, on va dire, qui est rurale, mais pas éloignée de tout. Parce qu'après, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que je peux trouver un ophtalmo pas trop loin de chez moi? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse 50 km? Il y a ces questions-là qui rentrent aussi en ligne de compte. Donc là, il faut étudier un peu tout. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'énergie, même une partie de la nourriture, l'eau, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau individuel. Et je pense que c'est même... Ça, si ce n'est pas encore absolument nécessaire, ça va le devenir. Donc ce jeune a raison de se poser ces bonnes questions, et il n'a qu'à creuser. Il y a quand même énormément de choses aujourd'hui sur Internet qui permettent d'avoir accès à des gens qui connaissent ces sujets-là, et on peut voir ce qu'ils ont fait dans leur vie, on peut regarder leur curriculum vitae, on peut savoir si on a affaire à un charlatan ou à quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et comme ça, en pratiquant, parce que ça, c'est des domaines, je veux dire, il faut faire. Hein, il faut... Bon, la théorie, c'est bien, mais à un moment donné, il faut commencer par un truc, et puis de fil en aiguille, on passe à autre chose, et puis au bout de 10 ans, 15 ans, on arrive à avoir une expérience. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais, voilà, comme ça, même si, bien sûr, ce n'est qu'un avis. Hein, c'est pas parole d'évangile. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou on passe à la rubrique suivante, messieurs? D'accord. Donc, merci à cet auditeur pour cette question. J'espère qu'on y aura répondu en tout ou partie. Rubrique numéro 2, courrier des lecteurs. Alors, bonjour, amis démocrates. Je suis un fidèle auditeur de démocratie participative depuis la saison 1. Notre auditeur, en fait, a fréquenté une institution pour les aveugles. Voilà, donc on ne va pas donner plus d'informations, mais il en a fréquenté une. Et il nous dit ceci, et donc il a occupé plusieurs postes. Il nous dit ceci. En ce temps-là, sur environ 200 élèves, il n'y avait qu'une vingtaine de bougnoules, turcs et autres créatures du désert, et aussi quelques spécimens en provenance de nos colonies, océan Indien ou Antilles. Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à l'époque, donc la direction de cette institution était une place très convoitée. Appartement de fonction de 200 mètres carrés, voiture avec chauffeur et autres très nombreux avantages. Inutile de vous dire que ce poste était offert pour service rendu à des conseillers ou cadres de la socialie ministérielle. Donc ça, c'était sous Mitterrand ou Jospin, quoi. Et comme toujours, la socialie a fait ce qu'elle fait le mieux, étaler du caca partout là où c'est encore propre. Et ce qui devait arriver, arriva. Bougnoulisation massive. Donc cette institution, il le cite, a été frappée de plein fouet par ce phénomène. La stratégie mise en œuvre pour arriver à cette tiers-mondisation de l'établissement a été de trouver du bougnoul donc aveugle et massivement. Seulement, il ne fallait plus simplement accueillir des bédouins uniquement aveugles, parce que pas suffisamment salissant. Et c'est très facile, car le bougnoul aime baiser sa cousine. À la sortie, la cousine de Kader pond de la bouillie consanguine, aveugle plus autre chose. Sourd ou quasi-sourd, débile léger ou moins, membre manquant, atrophié, etc. Le top du top. Et tout ça sous la main, uniquement le périphérique à traverser. Il suffit de se baisser pour ramasser des cas consanguins par sac entier. Vous imaginez bien qu'il y avait de quoi remplir cet établissement pour le transformer en garderie à bédouins encore plus dégénérée que les bédouins habituels. Et bien entendu, l'islam règne en maître dans ce même établissement. Nuit de goinfrerie pendant le ramadan jusqu'à pas d'heure pour les bougnes, pendant que les koufars sont envoyés dans leur chambre. Renvoi du professeur d'italien pour le remplacer par un professeur d'arabe, provocation du renvoi du révérend catholique, et renvoie, oui, ce qui provoque, oui, d'accord, le renvoi du révérend catholique. Je rappelle que ceci date du milieu des années 90, déjà, oui. Le bâtiment qui accueille donc cette institution est superbe, façade, classée, etc. Il y a un des plus grands orgues de France, l'apprendra-t-on, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour les photos, etc. Alors, les socialos l'ont transformé en garderie, donc, comme il dit, pour arabes, aveugles et débiles, qui errent dans des couloirs monumentaux en marbre, avec des lustres en cristal, et qui souillent avec leurs pattes arrière les chemins d'escalier en velours cramoisi. Tiens, en parlant de cristal, ça me fait penser que le cristal, la nuit, ça peut être très sympa, effectivement. J'en terminerai avec l'aspect le plus républicain de cet institut. Quand il y a des élèves Akipa, baptisés au sécateur, l'administration républicaine les autorise à sécher allègrement tous les samedis matins pour cause de Shabbat. Aveugle, d'accord, mais aveugle du peuple élu avant tout. Donc désolé pour la longueur de ce témoignage, mais je voulais mettre l'accent sur des épiphénomènes tels que celui-ci qui se passent sous les radars médiatiques. Cela n'en est qu'un parmi une foultitude. Bien à vous et longue vie à démocratie participative, Kevin. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des tas de trucs publics, parapublics, qui sont logés dans des fromages républicains comme ça, qui donnent, comme il le dit, quoi, à des cousins, de cousines, de directeurs de cabinet ministériels, etc. Et il les case là, et ce qui nous donne effectivement ça, effectivement. Alors qui veut me parler enfin, je suis sûr qu'il y a d'autres institutions, mais du même acabit, ah, quoi, oui, pour les malades mentaux, enfin les trucs comme ça, quoi. Bah les hôpitaux psychiatriques, ce sont des, voilà, ouais, c'est difficile à les distinguer des consulats algériens dans les grandes villes de France, quoi. Hein, c'est. Je rappelle simplement que les gens, les Algériens, qui disent oui, de toute façon vous, les nationalistes ou les patriotes, vous voulez rester entre vous et devenir consanguins. Le taux de consanguinité en Algérie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle. Hein. C'est environ 30% officiellement, donc ça a aucun rapport. Voilà, donc ça dépend des stats, bien sûr. Hein. Voilà. Moi, j'ai une carte sous les yeux qui est entre 30 et 39, par exemple, d'Algérie. Il y a beaucoup de cartes, d'ailleurs, Il y avait une étude officielle qui avait été citée par la presse algérienne, du gouvernement, qui émanait du ministère de la Santé, qui évaluait donc la consanguinité à 38% officiellement. C'est-à-dire marié avec un cousin du premier degré. D'accord. Mais cousin, alors cousin ou oncle, c'est en fait la famille type dans ces coins-là, c'est papa a épousé sa nièce, tu vois. Oui. Donc à l'échelle d'un pays, c'est absolument catastrophique, quoi. Ça me fait penser. Permets-moi de me souligner, et à l'échelle de 13 siècles d'islam, c'est encore plus. Ah bah, l'islam n'est pas connu pour augmenter, faire grandir une population, quoi. L'islam, c'est un facteur aggravant, quoi. L'islam rend con, j'ai envie de dire. Non, mais c'est un modèle, c'est-à-dire que la consanguinité est portée par l'islam, donc c'est pas simplement à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle d'un pays, enfin même de 50 pays, sur 13 siècles. Il n'y a pas plus dysgénique que l'islam, hein. C'est absolument catastrophique. Donc, oui, c'est à l'échelle de l'Algérie, bien sûr, mais ça fait 13 siècles que c'est à l'échelle de l'Algérie. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on voit des Algériens où les fils se touchent, c'est pas ce qui se passe, et les types crises, vous comprenez rien. Oui, il y a eu des choses, quoi. Je te rends la parole, mais c'est pour préciser quand même dans quel... Oui, bien sûr. De toute façon, même l'islam, l'islam, c'est très précis. Hein, c'est vraiment... une carte pour de procédure, quoi, surtout pour sauver leur mariage. Effectivement, ça n'arrange pas les choses, quoi. Le QI moyen en Algérie est officiellement de 84 points. Ah, hein, ça diffère un peu selon les statistiques, mais en tout cas on tourne autour de 84 points. Alors c'est très intéressant parce que effectivement cet auditeur parle de débile léger, donc en fait ça rentre dans les cases, hein. Je rappelle juste que les termes de débile léger, de débile profond, enfin tout ce que vous entendez, ce n'est pas des termes spécialement péjoratifs, c'est des termes médicaux qui sont quantifiés de manière précise. Et un adulte qui possède un QI inférieur à 80 points, c'est considéré comme un débile léger, quoi. Donc voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. Oui, alors je crois qu'en deçà de 70, l'éducation nationale peut envoyer dans des établissements spécialisés. Enfin, pouvait. Oui, ouais, pouvait. Parce que maintenant, ça est difficile, quoi. Si... Bah maintenant, on les envoie ouais. De France de football. Ou alors, on classifie simplement les établissements d'éducation nationale comme tous, comme étant des établissements spécialisés, si vous voulez. Oui, bah, ça s'appelle les établissements prioritaires. C'est prioritaire. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ou spécialisés. On devrait les appeler comme ça. Oui, donc, alors pour en revenir à l'histoire de nos Arabes pétés, là, qui pullulent dans ces établissements, moi j'ignorais hein, l'existence de cette institution dédiée aux aveugles, qui était à l'origine une bonne idée, hein, je veux dire, aider des aveugles à se sociabiliser en leur donnant accès à une éducation qui est, je veux dire, adaptée à leurs besoins, compte tenu des limitations physiques qui sont les leurs, très bien. Oui, sauf que maintenant, il y a le facteur Algérie qui change considérablement la donne. Et c'est, oui, il appelle ça une garderie. C'est une garderie, effectivement. Alors, il a parlé aussi du facteur juif, mais en fait, bon, c'est surtout le facteur judéo-républicain. C'est Tikkun Olam, quoi. On va réparer le monde en s'occupant de nos Arabes. Algériens. Ouais, en allant récupérer des Algériens un petit peu partout, complètement pété, quoi. C'est des vieilles bagnoles rafistolées, ces trucs-là. Hein. Il manque des trucs, il manque des jouets, il n'y a que trois roues. C'est comme les vieilles Toyota en Afrique, quoi, l'Algérien. Hein. C'est pareil. Hein. L'Algérien, c'est déjà plus la Peugeot. Hein. C'est plus la Peugeot, l'Algérien. Ouais, oui. Peugeot oui, pété, là. T'sais. Peugeot. Ah, je crois que les flics algériens roulent en Dacia. Ah, d'accord. Ouais. Oh, j'ignorais. Ouais. Bon, tu diras en France, ça va venir aussi, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais je les vois là, ils flambent avec leurs nouveaux véhicules. Là, ils ont acheté des nouveaux fourgons. Là, attends, les flics, ils sont fiers là. Ils ont des nouveaux fourgons. Des nouveaux jouets. Ils sont blindés frontalement, c'est-à-dire que ça peut encaisser des balles de 9 mm. Ça n'arrêtera pas une balle de calage, quoi. Non, mais posez-vous la question, pourquoi maintenant faut-il des fourgons blindés anti 9 mm quand dans les années 80 on avait encore, vous savez, les vieux fourgons, vous vous rappelez, les fourgons trafic, les trucs comme ça, c'était de la tôle, tu pouvais pratiquement les percer au couteau suisse. Visiblement, il s'est passé des trucs entre-temps, quoi. Bon, on s'écarte du sujet. Oui, donc on fait de l'élevage de nègres pétés dans des établissements spécialisés qui doivent nous coûter, entre nous soit dit, une fortune. Oui. Bah oui, c'est le principe. Parce que bon, tu as du personnel très qualifié qu'on va payer... Oui, des fortunes. Je pense qu'un élève doit coûter par an un bon 150 000 euros. Hein. Enfin, un élève. Tu prends le cas des ce qu'ils appellent les mineurs étrangers isolés, donc en fait les clandestins, les migrants clandestins qui sont mineurs ou qui se présentent comme tels, ils coûtent environ 50 000 euros par an. Donc c'est une véritable fortune. Et ces gens-là, ces mineurs-là, ou allégués, ne sont pas officiellement handicapés. D'accord. Et il y a pourtant une prise en charge, il y a des éducateurs, enfin, faut voir comment ils sont accueillis. Hein. C'est incroyable. Hein. Il n'y a jamais un gamin français qui bénéficiera d'autant d'aide, hein. Ça n'existe pas. Hein. Il faut vraiment être un cafard réchappé du Maroc, surpris en flagrant délit, comment dirais-je, de deal dans une grande ville française pour avoir le droit au traitement, royal, quoi. Hein. Sinon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je n'ose imaginer. Si en plus on est estampillé, aveugle, estropié, ça doit être... Dans le même genre, ils ont abandonné hein, cette idée-là. Je veux d'ailleurs souligner que ça avait été réalisé non pas sous François Hollande, mais sous Nicolas Sarkozy, à la suite de Jacques Chirac d'ailleurs, hein, je veux dire, mais c'était sous Sarkozy. Je le souligne parce que, vous savez, il y avait toute cette droite, les Républicains, qui aiment bien se présenter comme étant des gens qui défendent la méritocratie, l'effort, le travail, et puis avec nous, vous allez voir les banlieues, ça va. Non, c'est des bêtises. Le Karcher de Sarkozy. Non, ils avaient mis en place, des projets que dont même Besancenot n'aurait pas osé revendiquer la paternité, dont ce qu'ils avaient appelé les internats d'excellence. Vous vous rappelez cette histoire ? Les internats d'excellence. Alors les internats d'excellence, déjà, c'est marqué dessus. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est d'excellence. Mais pas dans le domaine... Tu prends des nègres à 80 QI et tu dis, oui, voilà, la République offre des chances à tout le monde. Hein. Voilà, allez hop. Exactement. Sauf que, il y avait même eu un reportage assez long sur ce fameux internat d'excellence. L'objectif, alors déjà, il faut voir l'objectif de ces établissements à l'époque, c'était de permettre à ce qu'ils appelaient des jeunes de banlieue, bon, suivez mon regard, d'obtenir le bac. Ok, c'était pas des gens qu'on allait envoyer vers des études supérieures d'un très haut niveau, pas du tout. Hein, des espèces de perles rares, non, pas du tout. C'était simplement de pouvoir suivre le cursus normal. Ils étaient infoutus de le faire dans leur commune d'appartenance, essentiellement de la banlieue parisienne ou des grandes villes françaises. Et donc, il fallait les extirper sur la base de leurs notes. Ils étaient censés s'en sortir mieux que la moyenne des élèves de leur propre classe ou de leur propre établissement scolaire. Et quand ils étaient victimes, en fait, de leur environnement, et il fallait les sortir de là pour leur donner une très réelle chance. Alors, avec des avantages phénoménaux. Quand vous regardiez ces fameux internats d'excellence, c'était incroyable. C'était incroyable. Le luxe, invraisemblable. Alors, les pardonnez-moi. Le nombre d'élèves par classe réduit très grandement, c'était 8, 10 élèves maximum. Ils avaient même, des écuries. Non, il n'y avait pas d'uniforme, mais il y avait des écuries avec des chevaux. Père Joujou avec des chevaux. Si, je t'arrête, il y avait l'uniforme. Ouais, il y avait l'uniforme, clairement. J'en avais pas souvenir, mais c'était incroyable avoir les installations sportives dernier cri. Le tout, excusez-moi, l'établissement étant situé dans rien moins qu'un château. Ouais, ouais. Celui que j'avais vu. Ils avaient évidemment des écuries. Effectivement, je me souviens de ça. Ils avaient des écuries, les mecs. Mais des écuries, non, mais je sais, vous savez, on a l'impression que c'est les fils de l'aristocratie ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Et alors, ils ont abandonné le truc. Pourquoi? Au bout d'un moment, quelqu'un dans l'administration, je sais pas qui, ils ont fait un premier bilan. Ils ont dit, ouais, c'est bizarre, on rentre pas dans nos, comptes avec cette histoire-là. Et donc, ils ont abandonné. Mais quand même, sous Sarkozy, on a quand même tenté le truc. On a tenté d'investir dans des établissements d'exception pour faire sortir les futures pépites de la République multicolore chère à Sarkozy. Bon, alors, j'observe effectivement qu'on a de plus en plus de préfets marrons. Ça c'est visible. Hein. Voilà. Alors, par contre, quant à leur qualification réelle, je ne suis pas certain que ce soit le top du top. Mais bon, voilà. Alors, imaginez quand il s'agit de nègres ou de pakistanais estropiés, ouais, j'imagine que c'est oui, c'est comme décrit notre auditeur, quoi. En plus, vous savez, tout ça, c'est classé, quoi. C'est vraiment des monuments classés ou des bâtiments classés. C'est du vieux patrimoine français, voilà, quoi. Hein, que les gens du prolétariat blanc ne verront jamais, encore moins poseront les pieds dedans, quoi. Oui, bah c'est quand tu vois le pognon qui est dépensé dans les REP, ah ouais. REP plus là, alors que bon, il y a quand même beaucoup de collèges de province qui tombent en ruine parce que le département est trop pauvre pour pouvoir faire la toiture. Hein. C'est une éducation de plusieurs vitesses en fait. Vraiment les lycées publics d'excellence type Henri IV, Le Grand, compagnie. Les Paris, écoles privées, ouais, voilà, type école alsacienne ou autre. Et puis, entre les deux, t'as différentes strates. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire de l'agrégé de grammaire nègre, qui deviendra préfet ou intellectuel, puis qui enseignera les valeurs républicaines aux bons petits français blancs. Du nègre bavard diplômé. Oui, du préfet nègre qui... Il envoie des nègres à la plage pour saluer, pour voilà, l'eau. Tu penses très fort à Mahamadou Diarra? Exactement. Mmh. Ouais. À la région de Montpellier, hein, je crois. Hein. Quand tu vois que l'autre cruche, là... c'est pas Nadja Nvolo-Belkacem, je raconte des conneries, mais quand ils ont voulu dédoubler les classes de CP dans les REP+, alors, ils se sont rendus compte que ça n'avait absolument aucun impact, parce que les nègres restant des nègres au bout d'un an... Oui, mais attends, ça c'est toi qui dis ça, mais eux, ils n'ont pas tiré la conclusion en disant, ouais, vous avez vu, en fait, le QI, la race, il y a des déterminismes. Non, je me demande bien, d'ailleurs, comment ils ont justifié l'abandon, quoi. Le reste, ça marche. C'est-à-dire avoir des classes réduites, ça marchait quand tu réduisais le nombre d'arabes par deux, enfin, où il restait des blancs, en fait, tu vois. Mais dès le moment où tu prends des classes où c'est rempli de nègres et d'arabes, tu divises par deux, ben, c'est toujours une classe qui, avec la même proportion de nègres et d'arabes. Donc ça ne sert à rien. Quand t'as un arabe ou deux, je serais curieux de savoir comment ces tocards de marxistes de l'éducation nationale ont interprété l'échec. J'aimerais lire la littérature, je suis sûr que je serais enchanté par ce que je lirais, parce que ça doit être... Ah, du pile-poule. Ça doit être... C'est la faute des blancs, quand c'est les racistes. Non, c'est même pas ça, mais ça doit être des... Ça doit se perdre en subtilité théorique, ça doit être vraiment extraordinaire. Pour coller, vous savez, à l'idéologie dominante, quoi, à laquelle ils adhèrent totalement, je veux dire. Mais ils ont abandonné ça quand, alors? Alors d'abord, ils l'ont adopté quand ils l'ont abandonné? Ils l'ont pas abandonné, hein. C'est toujours en cours. Mais ils ont arrêté le développement. Non, en fait, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que ça se généralise à toutes les classes, en fait, pendant tout le primaire. Et ils aimeraient qu'il y ait deux instits par classe, CE1, CE2, et cours moyen, quoi. Mais le problème, je suis d'accord, mais à ce moment-là, c'est que les blancs, ils seront encore meilleurs, et ça va vraiment... Pas vraiment, parce que quand t'as une école qui ferme dans une zone rurale, oui. faut pas rêver. Le poste qui est... Si le poste, enfin... Bien sûr. Si le poste est supprimé, il sera recréé ailleurs. Il sera recréé dans une REM. Donc, oui. C'est que... En fait, on fait du transfert d'instits. Mais que, en fait, les instits ne veulent pas forcément, parce que les instits, ils peuvent pas bouger d'une académie à l'autre. Ils restent dans leur académie d'origine. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, t'as des différences de niveau entre les instits qui sont juste abyssales entre les académies. Donc, par exemple, sur un concours de niveau équivalent, on va recruter à 13 ou 14 en Bretagne, et puis on va recruter à 4 ou 5. Dans une académie pourrie de Créteil ou de région parisienne. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut s'imaginer les différences de niveau des instits, c'est juste abyssal. Et quand tu vois que des instituteurs, ben on parle quand même d'instituteurs, quoi. Ils sont confrontés à des marmots qui ont grand maximum 10-11 ans. N'arrive pas à faire court parce qu'il y a des problèmes de discipline. Alors, on parle quand même de marmots de 10-11 ans. Alors, je sais que les nègres grandissent beaucoup plus vite. En plus de ça, Macron les arrose de pognon et d'engrais. Donc, forme de... On parlait de permaculture. Ben, là, on est plutôt dans la négroculture intensive. C'est ça. Bon, bah. En fait, moi, je pense que le début de l'apocalypse, il viendra comme ça, en fait. C'est quand ça a commencé déjà hein, début de l'époque. Ouais, ça a commencé, mais c'est marrant parce que bon, les instituts sont, les profs sont particulièrement gauchistes, mais ils y sont confrontés au caca. Et tu pourrais dire, bon, vu qu'ils sont confrontés au caca quotidiennement, ils vont peut-être un petit peu changer de bord. Et non, pas du tout. Tu vois, le type le plus à droite. Qui prend la défense de l'éducation nationale, c'est Brigelli. Putain, Brigelli, c'est un ex-Mao qui justement a fait la promotion pendant longtemps des internats d'excellence et qui a protesté quand ils ont été arrêtés parce qu'effectivement ça coûtait un pognon monstre. Bon bah voilà quoi. L'aile droite de l'éducation nationale. Alors j'ai vu un truc, c'est que Blanquer qui a été quand même vendu comme une espèce de ministre de l'éducation. Ils vont lancer le truc là, des internats d'excellence. Oui, enfin non, je veux dire, enfin il a été présenté comme une espèce de restaurateur parce que vous savez, la République française, ça on peut pas comprendre le régime républicain si on comprend pas qu'il a d'abord et avant tout été créé par des petits instituteurs socialistes. Si on comprend pas ça, on comprend rien, notamment de la dystopie dans laquelle on sombre. Et donc, parce que ça revient constamment, quoi. Je veux dire, avant, c'était Payon, vous savez, là, ça, c'est magnifique, c'est le fils d'un banquier juif communiste. Ça veut toujours faire rêver, ce genre de truc. Donc, il est franc-mac. Et alors, lui, c'était pareil, quand il est devenu ministre de l'Éducation, il a prétendu retourner aux sources, du ministère de l'éducation nationale pour reforger le pacte social républicain. Et alors, vas-y, que je te... Voilà. Et puis, il n'a rien fait. Mais c'est toujours la même chose. Et alors, là, c'est pareil. Blanquer, on nous l'a vendu comme ça. Et alors, sa dernière idée à Blanquer... Alors que c'est un gauchiste, je veux dire, Blanquer. Alors, c'est pas un forcené. C'est vrai, c'est pas un forcené. Enfin, il nage dans le même bain, quoi, que tous ces ahuris. Et alors, sa dernière idée, ce sont des internats ruraux. Alors, moi, quand j'ai vu ça... Parce qu'ils ont senti, notamment avec l'histoire des Gilets jaunes, et sur, puis regarde la carte du vote aussi, hein, ils disent on a un problème, c'est que les Blancs s'énervent, en gros. Les Blancs s'énervent, quoi. Il y a de moins en moins de transferts de la part de l'État central. Ils arrosent énormément tous les quartiers à nègres et à musulmans que compte la France, et Dieu sait si elle en compte. Donc ils se sont dit faut faire un petit peu quelque chose de proximité. Faut envoyer un signal. Bon, et là, ils arrivent avec leur histoire de... Enfin, Blanquer arrive avec son histoire d'internat rural. Et ça paraît bien. Ça paraît une initiative, pour une fois, intéressante. Puis, sauf que quand vous renseignez, vous lisez les détails de l'initiative, en fait, c'est une nouvelle porte vers l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas assez, il faut en ouvrir de nouvelles. C'est quoi le projet ? Le projet, c'est... Alors, oui, mais c'est pire. C'est-à-dire qu'on va prendre des gamins des zones rurales, vous voyez, et on va les envoyer dans des internats des grandes villes. Les places qui sont faites dans les internats des grandes villes pour faire la place aux petits blancs, qu'on va foutre dans des océans de nègres et d'arabes, vont être compensées dans les territoires ruraux par ces nouveaux internats où on va placer des négrillons et des apprentis djihadistes algériens. Ça, c'est du turbo-jacobinisme, quoi. Des turbo-jacobinistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont appliqué jadis aux Bretons, aux Alsaciens, que sais-je, voilà. Mais alors, à l'échelle raciale, si vous voulez. Hein. Ouais, c'est une ventilation de nègres. Ouais, mais alors, dès le plus jeune âge. Maintenant, on va avoir, messieurs, mesdames, chers auditeurs, nous allons avoir du négro des champs. Du négro des champs. Et du blanc qui va écouter du rap, hein, bien entendu. Ah, parce qu'il va évoluer. Ouais, non, imaginez une petite tête blonde, un petit Gaulois, et surtout une petite Gauloise qui va être extirpée de sa campagne natale. On va lui dire tu vas avoir accès à l'éducation, tu as été sélectionné. Moi, je ne sais pas comment ils vont organiser ça, mais ils vont baratiner, ils savent faire. Bon, voilà. On va larguer ces petites Gauloises à un assez jeune âge, parce que c'est l'âge collège, donc la tranche c'est 10-14 ans. Quoi, hein. Donc, si un. Voilà, 10-14, 10-15, quoi. Donc c'est là où la personnalité commence à se forger. Vous voyez, on va amorcer l'adolescence. C'est là que les premiers réflexes se posent au niveau du caractère, au niveau du langage. On va lâcher ces petits blancs là au milieu des fauves. Ils vont non seulement se faire bolosser pour les garçons, les filles vont devenir des putes intégrales au contact de ces animaux. Pendant ce temps-là, on va mettre Boubacar et Abdelkader au milieu des petits blancs, etc., pour commencer à foutre la merde, introduire du shit, etc., dans les coins les plus reculés du pays, en tout cas dans les établissements les plus reculés du pays. C'est incroyable, c'est une idée de Blanquer. Oh, ça m'étonne pas. Alors, dire que ce type est la caution de droite de ce gouvernement, ça fait rire. Mais c'est tout à fait logique. Regarde, les mouquaires de banlieue se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment de blancs dans leurs écoles. On en est là, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. Non, c'est ce que dit Magda, pour nos auditeurs qui n'auraient pas forcément suivi ça. Il y a eu récemment, notamment, il y a eu l'histoire des... Bon, il y a eu tout un problème sur l'histoire de l'accompagnement, vous savez, hein, les sorties périscolaires qui étaient interdites aux femmes voilées. Macron a donné son feu vert, Blanquer a donné son feu vert. Excusez-moi, hein, je veux dire, le néo-jacobin, néo-hussard noir qui va restaurer... Bon, voilà. Les Algériennes voilées de pied en cap vont pouvoir accompagner... leur rejeton, en pleine phase d'incubation salafiste, dans les sorties périscolaires pour criser, en fait. C'est-à-dire on fera une sortie au musée, et il y aura bien une Algérienne ou deux qui vont taper une crise à rallonge parce que, on aura vu un bout de sein sur un tableau. Enfin bon, vous imaginez le truc, quoi. Donc ça a été validé par Blanquer, quoi. Et alors, en plus, ça a créé toute une polémique, toute une discussion sur l'État, parce qu'il y a il y a certaines Algériennes qui se sont passablement émancipées du patriarcat islamique et qui voient revenir, en fait, ces mouquers voilés qui ne leur inspirent pas grand-chose dans leurs établissements. Et du coup, il y a eu la question, bon, qu'est-ce qui se passe dans vos établissements? Quel est le problème? Il y a des mères qui sont voilées. Et là, il y a eu des Algériens, enfin, il y a eu des Algériennes, soit des mères de famille ou d'autres, qui ont dit, oui, mais il n'y a que des Arabes, ça fait s'effondrer le niveau, remettez des Blancs dans les établissements. Voilà. Donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi ça, on a entendu des propos comme ça émanant des Algériens qui s'accrochent désespérément à l'espoir peut-être d'une Algérie française en France. Mais qui s'éloigne, hein, je veux dire. ce pays est un asile à ciel ouvert. Non, mais c'était vrai ce que tu disais, je veux dire. C'était. C'est très très vrai. Non, parce qu'il y a des auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi ce genre d'intervention, que ce soit BFM TV ou machin, parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, mais moi je suis comme toi, je l'ai entendu. Et c'était dystopique, quoi. Dystopique. Imaginez, ouais, quoi, ouais. Les moukères algériennes qui supplient qu'on leur laisse des petits Français de souche pour pas totalement retourner dans le bled. En France, enfin, c'est quand même. Oui, alors là, en ce moment, les gauchistes américains sont en train de criser parce que Trump a fait pression pour à Harvard. Je ne sais plus si c'est Harvard. Enfin, bon, je ne sais plus quelle université américaine très prestigieuse et très sélective. Trump a fait pression donc pour qu'il supprime la discrimination positive qui avait lieu. Donc. Les Blancs n'avaient pas de points en plus ou en moins. Les Asiates avaient un très très fort malus. Et, malus de 130 points, je crois. Malus ouais, de 130 voilà. Points. Et les Nègres, le double, quoi. Les Nègres avaient un bonus de 300, je crois. Ouais, c'est un truc énorme. Non, mais les gens savent pas ça. Pour rentrer dans l'enseignement supérieur aux États-Unis. Mais à un tel point, je sais même pas comment c'est constitutionnel, un truc pareil, quoi. Ouais, bah c'était totalement anticonstitutionnel. Ouais, mais donc, je crois que t'as quand même le droit d'engager qui tu veux là-bas. Faudrait avoir une spécialité. Non, je pense que c'est les années 90, je crois, il y avait eu l'affirmative action, donc la discrimination positive. De toute façon, faut pas croire qu'en France, on a inventé ça, hein, on s'est inspiré des USA. Ils ont été obligés d'embaucher dans tous les jobs des blacks. Et d'ailleurs, ouais. C'est pour ça que dans pas mal de séries américaines, si vous regardez ou dans les films, c'est un sujet qui revient. Et dans plusieurs séries, vous avez pas mal de blacks à des postes subalternes, parce que ça a été un programme gouvernemental, en fait, de faire entrer ces gens-là. Mais comment dire, les Asiatiques surperforment, du moins... parce que bon, faut voir aussi ce que c'est aujourd'hui les universités. C'est vrai en France comme aux États-Unis, c'est beaucoup quand même de la mémorisation, de la reproduction. Bon, les Asiatiques sont très forts pour faire ça. Par contre, pour créer, c'est déjà beaucoup plus difficile, en fait. Et je ne suis pas certain que toutes ces universités soient d'égale valeur. Bon, en tout cas, ils ont négrifié, enfin, les Juifs ont exigé et obtenu la négrification des universités américaines. Et je pense qu'avec le nombre croissant, parce qu'il y avait vraiment, enfin, parce que c'était fait pour... comment dire ? En fait, il n'y avait pas de pénalisation pour les Blancs, mais comme... On donnait un tel bonus aux Noirs, l'idée c'était de submerger les Blancs de Nègres. Voilà, c'était ça l'idée. Donc l'idée c'était effectivement de pénaliser les Blancs, mais c'était pas trop visible. Mais par contre, j'ignorais, je ne savais pas qu'il y avait un tel malus pour les Asiatiques. Et alors que les Asiatiques d'ailleurs votent démocrate, c'est assez frappant aux États-Unis, ils votent très massivement démocrate, ils votent pas du tout à droite, hein, c'est une idée reçue ça. C'est intéressant, et c'est Trump qui l'a fait abandonner. Ça va pas changer grand-chose pour les Blancs. En revanche, je pense que ça va permettre d'éviter un certain nombre d'hispanos et de nègres de faire perdre leur temps à ces universités, quoi. Parce que c'est ça dont il s'agit. Non, mais c'est ça. Hein. Ça va supprimer la présence des Noirs, hein, tout simplement. Bah oui, c'est ça. Hein. Et pour en revenir à ce que je disais... Parce que moi, je pense que les profs français, ils sont pris dans une forte contradiction. Ils ont tellement ancré le logiciel égalitaire en eux que, et je ne sais pas si on en a entendu parler là, il y a une crainte, c'est que le bac intègre une part conséquente de contrôle continu, et que donc la valeur de ce bac soit différente selon les lycées où il est passé. Ce qui est logique, puisque le niveau qui est intégré dans le contrôle continu, il va être différent. Donc forcément, le bac n'aura pas la même valeur. Donc je pense qu'ils sont partagés entre cette crainte, qui est une forme d'égalitarisme jacobin classique, et une autre forme qui est une volonté d'équité, quitte à faire de l'inégalité et faire de l'affirmative action. Donc visiblement, ils sont assez divisés entre eux. Tu as la tendance Brighelli qui peste contre la mise en place de ce contrôle continu, et tu as une autre frange très très à gauche qui, elle, veut faire de l'affirmative action, te créer d'une nègre d'élite, quitte à gonfler ses notes au bac. C'est assez marrant, je trouve. Bah, en fait, oui, c'est le vieux conflit à gauche entre l'égalitarisme déclaratif et l'égalitarisme réel. C'est-à-dire que l'égalitarisme déclaratif accorde beaucoup plus d'importance aux formes, et donc n'aime pas trop que l'on commence en fait à... Parce que justement, pour la raison que tu dis, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, de facto, on nie l'égalité, puisque les mesures d'exception qu'on veut adopter sont de nature exceptionnelle, donc démontrent que l'égalité n'existe pas, l'égalité réelle n'existe pas, et qu'il faut intervenir, il faut un interventionnisme pour créer de toute pièce une pseudo-égalité. Or, voilà, c'est la contradiction que tu pointes, t'as tout à fait raison. C'est la même chose avec tous les tests physiques qu'on a dans les recrutements, type gendarmerie, armée, police, tout ça. Hein. Les femmes n'ayant pas la même capacité physique que nous, elles sont soumises à des tests d'entrée qui sont beaucoup moins sévères que ceux des hommes. C'est pas étonnant. Oui, oui. Mais il y a un problème culturel en France très important, il faut voir ça. C'est que le régime français, le régime républicain, c'est une république unitaire, jacobine, centralisatrice, qui norme du haut vers le bas, verticalement, les règles. Or, la réalité démontre que cette ambition égalitariste et niveleuse n'est pas opérative. Donc en France, c'est pas simplement le problème de comment fait-on, ça engendre, ce type de problème engendre une véritable crise idéologique. Profonde, je veux dire. Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le système jacobin est en train de se fissurer sur la question raciale. En fait, c'est ça qui est en train de se passer, quoi. Donc 150 ans de république jacobine qui est en train de s'effriter progressivement face à la réalité raciale. Et là, un ministère qui est le pur produit du jacobinisme, qui est le ministère de l'Éducation nationale, n'a pas les clés, ne serait-ce que de compréhension de ce qui se passe. Eux, ils en sont encore à croire que les problèmes sont générés pour des raisons sociales. Ils n'abandonnent, ils sont toujours sur Victor Hugo et Émile Zola. Hein. Ils vont rester là-dessus jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, même quand ils auront des bordées de nègres à jouer d'une tam-tam dans des établissements scolaires, machin, ils en seront encore à essayer de chercher si peut-être, quelque part, c'est pas l'exploitation du Togo en 1952 ou 1953 qui aurait pu être la... Tu vois, sortir de cette mélasse intellectuelle. Hein. Qu'il crève la bouche ouverte. Ah oui, c'est une solution, effectivement. Effectivement. Non, mais ça va devenir vraiment moche. Je veux dire, et je comprends personnellement le drame que vivent les familles gauloises dont les gosses sont progressivement aspirés par cet évier à chiasse, là, cette espèce de trou noir qui n'a de cesse de croître. Parce que quand ils veulent scolariser leurs gosses, surtout avec toutes les mesures qu'ils prennent, ils veulent à toute force mettre des blancs dans des établissements scolaires racialement sinistrés. Quoi. Je veux dire, ça va s'affirmer de plus en plus. Mmh. C'est-à-dire que la tendance Blanquer, ce que Blanquer fait avec ses internats, ça c'est des programmes tests, vous voyez, mais c'est tests. C'est-à-dire que c'est des projets pilotes qui ont vocation à s'étendre dans d'autres domaines de l'éducation, et moi je ne serais pas étonné qu'au bout d'un moment on tombe vraiment dans l'autoritarisme pur, c'est-à-dire voilà, on va décréter que... Alors ils n'iront jamais pour des questions raciales, ils affirmeront jamais, mais en jouant sur le territorial, ils vont chercher à forcer les gens, ils vont chercher à forcer les races à se mélanger, ce que le juif recherche, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue l'hébreu dans l'équation. Hein. Il doit y avoir un certain nombre d'hébreux qui sont logés au cœur de ce ministère, qui ne perdent pas de vue la question raciale, et qui veulent forcer à tout prix le mélange racial. Voilà. Ça ne marche pas, mais ils essayent. Bon, c'est un vaste programme, on en aura parlé en tout cas. Deuxième courrier, messieurs, et nous retournons vers la SNCF, une autre noble institution de cette République. Je dis un nouveau courrier, parce que je pense que nos auditeurs s'en rappellent, hein, on avait eu une contrôleuse proche de la démocratie participative qui nous avait raconté hein, une de ses journées de travail, c'était assez intéressant. Et c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire que quand un auditeur témoigne de ce qu'il vit au quotidien dans son domaine professionnel, ça génère des réactions de collègues à eux, bon, ils ne se connaissent pas, mais qui disent « Ah ben moi, j'ai vécu ça, je travaille dans le même domaine. » Alors là, c'est la SNCF, pardonnez-moi. Alors je commence. « Salut à tous mes camarades participatifs. Je rebondis sur l'article des nouveaux trains séropositifs, ainsi que sur le récit de ma très chère collègue Julie de la SNCF. Moi-même, chef de bord des TGV révolutionnaires, citoyen et tolérant, je vais témoigner d'une scène de prime à bord insolite, mais finalement courante, dans le pandémonium israélite qu'est la France. Lors d'un banal contrôle de billets en première classe, je fus interrompu par une demoiselle visiblement agacée, qui me fit part de l'insistante demande en mariage qu'elle venait de recevoir de la part de deux gentilshommes voyageant dans une voiture de seconde classe, où elle me pria de bien vouloir la suivre afin que j'intervins. Malgré le peu de marge de manœuvre que me laisse ma fonction pour faire régner l'ordre dans mon train, j'emboîte le pas vers le lieu de la confrontation, tel un arien sûr de lui et dominateur. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque j'arrivai sur place, deux effroyables crouilles d'une laideur inexprimable, titubant sur de la musique nègre, gobelet de vodka premier en main. J'interviens avec... premier prix en main, autant pour moi. Merci de ta vigilance, cher Pierrot. J'interviens avec ma plus grande diplomatie. Alors là, c'est lui qui s'exprime, c'est le contrôleur. Hein. Messieurs, bonsoir. Je vais vous demander d'éteindre votre musique et de me suivre, s'il vous plaît. Je vais vous trouver un endroit plus adéquat pour faire la fête. L'un d'eux me dit « Voilà, on est tranquille ici, on fait rien de mal. » Je réponds fermement « Messieurs, si vous souhaitez que tout se passe bien pour vous, je vous invite à bien vouloir me suivre. » C'est alors qu'une sale boumeuse intervint à son tour. « Monsieur, ils sont pas méchants, mais c'est vrai qu'on pourrait juste leur demander de baisser la musique. » Je demandais à cette vieille bique de me laisser faire mon travail afin d'assurer la tranquillité de tous les voyageurs. Les deux bicots finirent par obtempérer et commencèrent à rassembler leurs affaires. Contrariés, l'un d'eux éructa « Voilà, je suis pas un bledard, voilà, j'ai mon billet !» Là n'était pas la question, que je préférais éviter, pourvu que je parvins à les contenir sans confrontation physique jusqu'à la fin du voyage. Si une bagarre éclate, il est évident que j'ai plus à perdre que ces deux clandos, joyaux de notre nation qui obtiennent systématiquement gain de cause. Mon plan était donc de les mettre en quarantaine là où ils dérangeraient le minimum de passagers dans un train bondé du vendredi soir, c'est-à-dire le wagon restaurant. Juste avant de quitter la rame, le plus silencieux des deux s'empara de la bouteille et en descendit un bon tiers d'une traite au goulot avant de me suivre. Une fois arrivé dans le wagon-restaurant, j'expliquai la situation aux hôtesses. Parmi elles, une traînée blanche de premier choix et une grande noiraude bleu pétrole style Aya Nakamura. Elles grimacèrent lorsque je leur fis comprendre qu'elles devraient se cligner ces deux animaux pendant tout le reste du trajet. Je les rassurai donc en leur indiquant que je resterai près d'elle afin de monter la garde. J'installai donc nos deux zouaves en compagnie de quelques passagers venus se restaurer en leur demandant de ne pas s'enfuir. Ces deux princes du Djebel se servirent de la vodka de plus belle en poussant des cris d'animaux au milieu de leur wagon-cage. Devant ce spectacle, le restaurant se vida pour ne laisser place qu'à ces deux bougnoules heureux comme Dieu en France, sous mon regard paternaliste de missionnaire du Grand Nord glacé, venu civiliser les quadrumanes. Verre après verre, l'un d'eux s'endormit la tête dans ses bras, tandis que l'autre partit aux toilettes. Le restaurant était désormais silencieux. Profitant d'un peu de répit, j'expliquais la scène à un autre collègue qui venait d'entrer dans le wagon-restaurant. Soudain, nous fûmes interrompus par un bruit assourdissant, accompagné du cri d'effroi de l'une des hôtesses. Lors d'un virage serré, le crouille attablé était tombé de sa chaise et par la divine providence s'était fracassé la tête contre le sol. Je restais tranquillement accoudé au comptoir, contemplant la scène avec satisfaction. Malgré mon invitation à prendre son temps, mon collègue se précipita pour passer une annonce dans le train afin de demander l'intervention d'un médecin. Car en cas d'hémorragie interne, nous pourrions être tenus responsables de non-assistance à personne en danger. À la suite de l'annonce, deux femmes se présentèrent, une petite trentenaire hospitalière et, tenez-vous bien, la charmante demoiselle qui avait un peu plus tôt décliné l'invitation de ces deux dromadaires de l'Atlas. La première le mit donc en position latérale de sécurité, mais ne parvint pas à le réanimer, tandis que la seconde ne savait pas où se mettre. Au même moment, l'autre bico ressortit des toilettes et se mit à insulter tout le monde en voyant son compagnon de voyage au sol. La secouriste lui expliqua la situation avec douceur, mais notre acolyte lui fit comprendre qu'il avait l'habitude et lui dit que son ami allait très bien. Il s'agenouilla devant lui afin de tenter de le réveiller à coups de baffe dans la gueule. La secouriste lui expliqua que son ami respirait mais qu'il était certainement en train de faire un coma éthylique et qu'il fallait donc le laisser tranquillement récupérer. Rien à faire, le crouille était déterminé à remettre son camarade sur pied en lui expliquant qu'il maîtrise mieux qu'elle la médecine. Il sortit donc un déodorant de son sac et aspergea la figure de son acolyte tout en continuant à lui asséner des tartes répétitives dans sa sale tronche de boucaque. Devant l'insuccès de sa méthode, ses baffes se firent plus vigoureuses, alors qu'il était au bord des larmes, imaginant déjà son parasite d'ami quitter le monde des vivants. J'essayais de calmer ce débile algérien quand son compagnon finit par nous gratifier d'une flaque de gerbe putride. Il était bien vivant, de quoi rassurer notre crouille. Sans doute submergé par l'émotion, il tourna la tête vers le bar et se mit à insulter notre Altesse subsaharienne. « Voilà, toi la pute, pourquoi tu montes du doigt? Toi, la négresse, tu vaux rien chez moi, comme les autres singes, t'as sucé ton père quand t'étais petite !» Un débat démocratique et participatif s'ensuivit, dans lequel notre Jeanne d'Arc de la Brousse se décida à lui donner une leçon républicaine. Une fois la situation apaisée, notre secouriste se mit à faire un peu de social avec le crouille. Elle lui confia que son mari aussi venait d'Oran, tout allait bien dans le meilleur des trains. Le voyage touchant à sa fin, les pompiers arrivèrent sur place avec peu d'empathie à l'égard du sac à merde gisant par terre. La police intervint également et procéda à des interrogations au sujet des deux individus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui scandalisa le plus le policier lorsqu'il prit connaissance des détails de l'affaire, et qui valut au crouille de se faire embarquer immédiatement, fut lorsqu'il apprit le dérapage raciste de ce dernier. Le crouille en question, après avoir sorti une pièce d'identité portugaise, commença à se débattre, puis parvint à s'échapper jusqu'aux voies ferrées. Une fois rattrapé et menotté à un poteau, il lâcha un dernier cri de désespoir. « Lâchez-moi, lâchez-moi, je suis pas un blédard, je suis pas un blédard, je suis portugais !» Conclusion. Comme me l'a enseigné jadis un Libanais, en tant que minorité, nous devons diviser pour survivre. Autrement dit, si en tant que corps constitué nous sommes amenés à rédiger un rapport sur un crouille, n'hésitons pas à s'appuyer sur les injures à caractère sexiste, homophobe ou raciste afin de hâter la déportation de ce dernier pour comportement non conforme aux valeurs de la République juive. Un peu de phénicianisme actif dans nos esprits ariens et de bon augure lorsque nous avons affaire à ces ogres du Mordor venus chier dans notre poule génétique sur ordre du juif. Salutations ariennes. Ouf. Ah, c'était assez... C'est pas mal. Je pense que la situation est tellement cocasse que notre auditeur doit être reconnaissable. Ah, il nous a même fait parvenir les enregistrements audio de la situation. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. Quoi. C'est... Bah, c'est la France. Il n'y a plus de mots, hein. Non, le Portugal, là, plus... Oran... La secouriste, oui, non, mais attendez, oui, je suis... Mon mari vient d'Oran, oui. Je suis madame Makhatari. Tout va bien, qui finit bien. Le raciste a été puni. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Alors, j'ai vu ça. Alors, n'empêche que, alors, à la faveur de cette anecdote, je remercie l'auditeur pour cette anecdote extraordinaire parce que là, je reconnais ma France. Vous voyez, les valeurs de la République, tout ça. Ouais. Ah, bah là, elle marche à fond. Hein. Mais par contre, non, il a donné un vrai conseil de survie. C'est-à-dire que il faut s'adapter au nouvel environnement, qui est un environnement résolument anti-blanc, mais qui génère, du coup, toute une série de réglementations, d'interdits en faveur des minorités qui peuvent être habilement militarisées par les Blancs, comme il l'a fait lui-même. Hein. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, il a eu des propos extrêmement racistes contre l'hôtesse Madame, je ne sais pas comment d'ailleurs, Nakamura, japonaise du Togo, comment dirais-je. Et j'ai vu un exemple très concret de ça sur Twitter cette semaine. Alors c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, enfin, c'est une espèce d'institutions, d'associations qui donnent des cours en ligne, mais je ne sais plus sur quoi. Bon, peu importe. Et alors là, il y a un nègre qui explique avoir été approché par cette association très connue, qui a été approché pour, je crois que c'est son domaine d'expertise, c'était l'informatique, me demandez pas comment, pourquoi, j'en sais rien. Et il disait, voilà, on m'a proposé ça, avec un salaire extrêmement intéressant, je crois que c'était 75 000 euros par an. Bon, était-ce vrai, était-ce faux, je n'en sais rien, c'est ce qu'il a expliqué sur Twitter. Il dit, mais à un moment, ils m'ont demandé soit d'adhérer, soit d'intégrer toute une partie des éléments de langage pro-LGBT. Dans le cours, je ne sais pas à quel titre, quoi, mais on lui a demandé voilà, de signer très formellement son adhésion au LGBTisme, si vous voulez. Bon. Et là, apparemment, il a rigolé. Il a dit « j'ai rigolé bon. ». Et il l'écrit sur Twitter. Et là, il y a une fiotte qui n'a rien perdu de l'affaire, qui a poké le compte Twitter officiel de cet organisme en disant vous tolérez l'homophobie dans votre association, votre institution, machin. Immédiatement, le compte officiel a réagi en disant il est un point cardinal dans notre truc, machin, la diversité, nous luttons contre l'homophobie, blablabla. Cette personne, nous avons rompu tout contact avec cette personne, blablabla, nous ne travaillerons plus avec cette personne, etc. Bref. Donc là, vous avez, c'était un blanc, hein, la fiotte, c'était un blanc. Donc il y a moyen pour des blancs d'écraser des nègres, mais il faut savoir jouer selon les nouvelles règles du système, vous voyez. Donc il faut être habile. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser, par exemple, l'homophobie contre les nègres ou les arabes. Il faut savoir le faire, ça. Vous voyez. Ou de la même façon, l'antisémitisme. Hein. On va pas aller voir au fond de votre slip si vous êtes... si vous avez été baptisé au sécateur. C'est la fameuse intersectionnalité de droite. C'est ça, l'intersectionnalité de droite. Il faut savoir jouer l'un contre l'autre. Et c'est un exemple appliqué que nous a donné ici cet excellent contrôleur SNCF, comme quoi la SNCF n'est pas encore totalement rongée par le marxisme. La CGT... L'armée rouge a enfin été stoppée au sein de la SNCF, c'est positif. Mais inspirez-vous-en, utilisez-le. Même sur les réseaux sociaux, hein, c'est radical les réseaux sociaux. C'est radical, sur Twitter c'est radical. Et essayez de pousser à la faute, vous voyez. Essayez de trouver des gens un peu connus, ouais, un peu à statut, machin, un maghrébin qui parle trop, machin. Essayez de le chauffer, machin, voilà, et puis essayez de les prendre en tort sur l'homophobie, les trucs comme ça. L'homophobie c'est génial ça. Ou la transphobie aussi. Et si, la transphobie, c'est encore plus drôle. Quelqu'un veut-il dire quelque chose? Une remarque sur cette... Il a fait preuve quand même d'une patience extraordinaire. Hein, oui. Contrôleur. Tout à fait. Je pense qu'il a dû bien rigoler, en fait. Quand il est face à cette situation, je pense qu'il faut le prendre avec une forme de légèreté. De dire qu'après tout... Tout ça n'est que grotesque. Bon, ça se passe dans ton pays, mais bon, faut mieux voir en rire des fois. Ah, moi j'aurais eu du mal à garder mon calme. Ça se passe un peu sur les pompes. J'aurais eu du mal à garder mon calme si j'avais eu du vomi d'arabe qui me soit venu dessus. Ah, ça avait très vite pu mal tourner. Alors moi, je vais te raconter un truc. Mon dernier souvenir en train, j'ai vu une nana vouloir aider un migrant qui demandait son chemin. Et c'est surréaliste parce que la gonzesse, ça finit par lui faire un câlin, quoi. En mode friade. Hey, je te jure, j'étais... J'ai regardé ça. C'est hallucinant, oh, c'est hallucinant, putain. Ouais, ouais, mais vraiment, quoi. En mode, le type ne me parlait pas un mot de français. Mais voilà, putain, mais voilà, non, mais ce maternage, là. Oh, ouais, ouais, t'as l'autre, la vieille bouche. Carrément, on lui a fait un câlin. Oh, et lui disait dans un français qui ne comprenait pas que c'était une belle personne et compagnie. Ah oh, non, mais qu'il s'arrête cette expression, je vais commencer à tuer des gens. Cette expression, vraiment quoi, je veux dire. Non mais vraiment, je commence à perdre je perds mes moyens. Ah oui, d'une belle personne, mais c'est. C'est l'expression de bonne femme. Ah hein. Oh là là, oui, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, je veux dire, on interdit bien les propos homophobes. Oui. Ah oui, vous êtes une belle personne. D'où ça sort ça? Qui c'est qui a inventé? J'ai jamais entendu ça jusqu'à ce que très récemment. De toute façon, ça peut être qu'une expression de bonne femme. Hein. Ça peut être qu'une expression de bonne femme. Il n'y a qu'une bonne femme. En plus, j'ai l'âge, 50, 60 ans, c'est certain ça. Divorcé. Possiblement sans enfant, ou alors son enfant, elle n'a pas dû beaucoup s'en occuper. Ouais, et puis amatrice de voyance aussi. Ou de gourou de spécialiste des motos japonaises. Et de problèmes d'érection. Oh, vous avez vu cette histoire? Ah non, bon, non, mais ça va nous amener sur autre chose. Mais... Oh, le marabout. Vous vous rappelez du marabout qui se prenait pour Schumacher? Schumacher l'habitait. Oui. Vous vous rappelez pas de cette histoire? Dans la région de Perpignan. Il a quasiment rien eu, hein, parce que bon, voilà. Bah non. Sa religion. Tiens, mais vous avez vu ça? Autre chose. Là. C'est la victoire de l'Algérie, c'est à répétition. Comment dire? Il y a match ce soir. Hein. On est dimanche, donc. On verra si les Algériens sont en forme ou pas. Oui. On espère. Ils allaient dans le marais, c'était leur victoire. Mais vous avez vu là, il y a un Algérien, il a percuté à 140 km/h une moukère et sa gamine. Alors bon, la moukère raide étalée, terminée, direction le paradis d'Allah, s'il existe, n'est-ce pas? Et l'autre, il est laissé en liberté, etc. Et j'ai aimé le titre. Le titre de la presse, ça donnait la vitesse en cause, le suspect libéré. C'est sûr que c'est le moukère qui s'est fait percuter. Bah oui, parce que sur Twitter, il y a une gonzesse qui a dit « Merci pour vos prières, c'est une proche, qu'Allah l'accepte. » Ouais, d'accord. Bon, bon bah du coup, c'était une affaire algéro-algérienne, moi j'ai rien à dire. Hein. Oui, rien ne fut perdu ce jour-là. Quoi. Non, autorégulation. Ouais. C'est, voilà. C'est comme la myxomatose avec les lapins. Voilà, pareil. T'as la myxomatose pour les Algériens. Il y a peut-être une piste. Les nègres aussi. Il y a Ebola. Oui, pareil. Non, mais Ebola, les yeux rouges. Alors, Ebola, c'est bien pour faire rêver, sauf que quand on attend les résultats concrets, on attend. Oui, c'est. Mais bon, c'est un aperçu. Il y a un nègre avec la myxomatose, ça aurait pas de la gueule quand même. Hein, hein, les yeux enflés qui coulent à la tare. Ouais, ouais, ouais, je m'y vois déjà là. On va encore m'accuser d'être. Alors, encore un homme qu'on a sali, on va m'accuser d'être le nouveau docteur Mengele. Alors, excusez-moi, hein, Mengele est innocent de tous les crimes dont on l'accuse, ça c'est vrai. Par contre, je ne m'interdis rien. J'aurais peut-être pas une âme aussi charitable. Il ne faut pas se fermer au champ des possibles. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et je le répète. Si vous savez pas ce que c'est la myxomatose, regardez les photos sur Google Images. Hein, lapin, myxomatose, voilà. Alors, vous calquez ça sur un nègre, je vous assure que la journée va bien commencer. Ah, vous y mettez une perruque multicolore et ça fait un clown. C'est bien, c'est pour aider les enfants. Enfin, bon, on peut recycler les nègres. Après, non, bon, ça dure pas longtemps, mais ça peut faire des beaux spectacles. Ça sera toujours mieux que le Diamond Comedy Club. Oui, bah il se retire lui d'ailleurs. Ouais, non, mais dire, il se retire, hein, mais il a toute son écurie. Enfin, je sais pas si on peut appeler une écurie. Oui, un négro culture. Une bande de rats et de nègres, mais bon. Oui, il a fait du dégât lui aussi. Messieurs, je vous propose de faire une pause musicale après avoir abondamment discuté agriculture, pour tout ça. Hein. Pause musicale. Négro culture intensive. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 4, épisode 28, rubrique numéro 3, autisme radical. Je vous emmène en Suède, chers amis, en Suède. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé en Suède pour respirer l'air frais de la Scandinavie. Vous allez voir que ça sent bon le Nord. Alors, je lis cet article du journal Le Figaro. Je crois que c'est paru le 9 juillet. Alors, la Suède a décidé d'expulser une Ukrainienne qui avait dû être amputée d'une jambe après une attaque djihadiste au camion Bélier qui avait fait 5 morts et 10 blessés en 2017 à Stockholm, a indiqué lundi son avocat. Irina Zamanova, 39 ans, se trouvait en Suède en touriste en avril 2017 quand était survenue l'attaque menée par un demandeur d'asile ouzbek qui avait prêté allégeance au groupe État islamique. Au volant d'un camion, il avait semé la terreur dans une rue piétonne du centre de Stockholm et a été par la suite condamné à la prison à vie. Grièvement blessée, Irina Zamanova avait dû être amputée d'une partie de la jambe droite. L'Ukrainienne s'était d'abord vue délivrer un permis de résidence temporaire en qualité de témoin dans le procès de l'auteur de l'attaque, ce permis de résidence expirant Elle avait demandé un permis de résidence permanent au motif de circonstances exceptionnelles telles que prévues dans la loi suédoise. Sa requête a d'abord été rejetée par les services migratoires suédois, puis par la justice. Irina Zamanova a alors porté là sa requête devant la cour d'appel pour les affaires migratoires, plus haute instance en la matière. Et son avocat Henrik Hoffman a indiqué lundi que la cour avait décidé de ne pas revenir sur la décision d'expulsion prononcée. Il a indiqué avoir demandé à la cour de prendre en compte le fait qu'Irina Zamanova ne pourrait pas bénéficier dans son pays des mêmes soins médicaux qu'en Suède. La cour n'a manifestement pas estimé qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles, a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant qu'il trouvait très regrettable que la Suède ne puisse pas prendre soin d'une femme victime d'un attentat sur son sol. La décision de la justice suédoise signifie qu'Irina Zamanova doit quitter le pays avec sa fille de 14 ans dans un délai d'un mois. Son avocat a indiqué examiner les suites à donner à cette affaire. Alors les amis, je vous rappelle que la Suède a accueilli, je crois, en ces trois dernières années, environ plus de 150 000 migrants musulmans provenant de différents endroits de cette planète. Surtout la Corne de l'Afrique, surtout. Surtout de l'aide du Somalie, oui, effectivement, oui. Mais Irina et sa jambe en moins, non. Bon, bah, écoute, moi quand je vois ça, je n'en tire qu'une seule conclusion. Si vous voulez vivre ad vitam aeternam aux frais de la princesse suédoise, c'est pas la peine d'y aller en tant que touriste et d'être en toute égalité. Mieux vaut écraser des fillettes dans la rue. C'est vrai, indubitablement, hein, parce que même le terroriste ouzbek, finalement, aura le droit à une suite permanente au sein d'un établissement pénitentiaire suédois, qui ne sont pas les établissements pénitentiaires français, hein, il faut quand même le préciser. Hein, je veux dire, Ça un petit peu quand même l'hôtel, quoi, la prison en Suède. Hein. Ouais, ils ont droit à plein de trucs. Voilà. Alors bon, ça reste une prison, quoi, hein, mais c'est pas les geôles avec des cafards qu'on retrouve en France, quoi. C'est différent. C'est très différent. Voilà. Donc voilà. Bon, bah Irina, barre-toi, casse-toi. Hein, on voulait pas de toi. Voilà, avec ton moignon, repars. Voilà, et oublie-nous. Voilà. C'est quand même particulier, c'est-à-dire que tu as un État qui accueille une nana, c'est vrai, qui est bon quand tu accueilles des gens, la moindre des choses, si tu veux, c'est de pas leur, enfin de oui de faire en sorte qu'ils repartent bien, quoi, tu vois. En un morceau, là, c'est mieux. Oui, déjà en entier. Bon, mais là, déjà, la nana, elle repart avec une jambe en moins. Hein, et puis en plus, bon, on ne veut pas, non, mais non, tu te barres, surtout tu restes pas parce que hein, tu nuirais notre nouveau projet de somalisation. Enfin, c'est délirant, quoi. Hein, au niveau de ce que ça dit des institutions de l'État suédois, c'est flippant. Je sais pas comment ces gens se voient, quoi. Tu fais du tourisme. À mon avis, ils se voient très bien, à mon avis. Hein. Ils se voient ouais, très non, bien. Mais tu fais du tourisme, tu vois, t'es censé. Si tu veux accueillir du monde, c'est quand même mieux de ne pas d'avoir une bonne image, quoi, de sécuriser les gens qui viennent chez toi, de ne pas être la Mauritanie, tu vois. Ben là, non, t'es la Mauritanie, et puis en plus, tu dis, bon, ben ouais, par contre. Est-ce que je pourrais rester un peu, peut-être la nana ne pose pas de problème. Hein. Bah non. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire sur ce que tu as dit. Tu as dit il faut veiller à avoir une bonne image. Alors moi, je pense que la Suède prend un grand soin à avoir une excellente image à l'étranger, mais oui, surtout auprès de certains pays, vois-tu. Et je ne crois pas que l'Ukraine fasse partie des pays cibles. En revanche, je pense que l'Afghanistan ou que effectivement l'Éthiopie ou la Somalie sont déjà beaucoup plus dans le champ concerné. Et puis deuxièmement, tu oublies aussi un peu vite le fait qu'avec sa jambe en moins, elle va quand même nous coûter une fortune, à la différence des Somaliens, qui sont quand même des gens qui travaillent dur. Donc voilà, oui. On va pas non plus demander aux contribuables suédois d'assumer les soins d'une gonzesse qu'on n'avait pas invité en premier lieu. Alors oui, voilà, elle était là au même. Voilà, bon, bon voilà. Qu'elle aille se faire soigner en Ukraine. Et enfin, oui, parce que... peut-être. Qu'est-ce qui a pu motiver la décision suédoise? Moi, je tends à croire quand même qu'ils se sont dit, une blanche ayant eu une mauvaise expérience dans les rues de Stockholm lors d'un attentat très médiatisé, va devenir peu ou prou quelqu'un qui ne va pas dire du modèle multiculturel, ça va devenir un boulet politique, bon an, mal an, est-ce qu'elle va être utilisée par des groupes, est-ce qu'on va la faire parler, est-ce que des reportages vont être faits, bon, allez, qu'elle aille s'exprimer si elle veut, mais à qui? En fait, c'est ça. Voilà, je pense que... C'est ça qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire que cette histoire d'attentat en avril 2017, c'est très important. Personnellement, pour moi, parce que c'est à cause de ça que j'étais viré de Facebook. Parce que je m'étais pris, suite à l'attentat, une tripotée de vieilles féministes suédoises qui m'en reportent en masse, parce que j'avais utilisé les photos, bon, j'ai fait le bourrin, mais j'utilisais les photos sur la page que je gérais alors, de la pauvre petite suédoise éclatée en mille morceaux, et en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pointé du doigt la responsabilité des gauchistes. Et en fait, il y a deux choses, il y a ce que tu viens de dire, à savoir quelle est la portée politique de cette blanche estropiée qui resterait éventuellement en Suède. Et après, il y a l'autre côté, c'est-à-dire que toujours les gens qui sont anti-blancs n'acceptent pas de porter la responsabilité, n'acceptent pas les conséquences de leurs actes. Et ça, je l'ai vu à maintes reprises en interagissant avec eux. Quand tu leur mets le nez dans le caca, dans leur caca, ils refusent de reconnaître leurs responsabilités. Et pour moi, c'est ça qui motive aussi le refus de garder cette Ukrainienne là-bas. Ouais, je pense. Ouais. Je crois que c'est ouais. Ça. Alors moi, j'ai appris un truc assez récemment, c'est que il y a beaucoup de gens qui critiquent le système social suédois, enfin, les services sociaux plutôt, parce qu'apparemment il y a une forme de dérive autoritaire chez eux. Ils sont un peu hantés avec ça. Je crois qu'ils avaient stérilisé les femmes qui étaient déficientes mentalement. Oui, les Bakui. Ouais, les Bakui. Apparemment, il y a eu beaucoup d'abus. Et c'est, en fait, ça s'est transposé un peu à. Ah ouais. Ouais, des gens qui un peu écolo, qui étaient un petit peu dissidents entre guillemets. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas fait assez d'abus justement. Mais il y a beaucoup de gauchistes et de féministes qui critiquent le modèle, je vais pas dire le modèle social, mais les services sociaux suédois qui se comporteraient un petit peu comme une petite mafia très très autoritaire et qui n'hésiterait pas par exemple à enlever les enfants de leur mère assez fréquemment. C'est garanti ça. Ah non, mais ils ont fait de l'eugénisme la Suède sur les blancs depuis des dizaines d'années. Ça a tendu à faire des populations encore plus conformistes quoi. c'est des nazis suédois quoi. Bah non, parce qu'il n'y a pas le logiciel nazi, t'as le logiciel social-démocrate, c'est-à-dire c'est la tyrannie des vagins et des PD. Donc il y a plus d'hommes en Suède, c'est fini, il y a plus de mecs. Maintenant, il doit y en avoir quand même. Bah biologiquement t'as des machins qui ressemblent à des mecs, mais c'est tous des PD sociaux-démocrates qui votent pour les droits des femmes, si tu veux. Bon, quand une nation... Le pays tourne économiquement, quand même, je pense, relativement bien. Ouais, mais ça, c'est des robots, ça, c'est des drones, ça. Tu comprends, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a des mecs qui sont productifs là-haut. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est qu'une société, elle n'est pas uniquement gouvernée par son appareil productif, tu vois. T'as aussi, à un moment donné, il y a le dur, t'as le régalien. Qui dit régalien, dit épée, dit coupé, tu vois. Eux, ils ont troqué leur épée contre un god, d'accord. Donc c'est fini, tu vois. Donc les Somaliens arrivent, parce qu'il faut voir les images. Hein, je veux dire, en France, on est mal placé. Enfin, je suis pas en train de dire, oh là, regardez l'état de la société somalienne, c'est vraiment des clampins. Ils comprennent rien à rien. Ils comprennent certainement rien à rien, mais c'est pas pour émettre un jugement de valeur. Je veux dire, vu de France, mais quand tu vois la situation de leur société. C'est une société qui est en échec complet. En échec complet. Voilà. Par contre, leur féminisme, il est beaucoup plus dur. beaucoup plus dur, vous voyez. Parce qu'en en fait, en France, si vous voulez, il y a une grande différence culturelle. Une grande différence culturelle entre les peuples du Nord. Alors, géographiquement, la France est au moins pour moitié dans le Nord de l'Europe, mais il y a une influence très forte quand même du Sud de l'Europe en France. Et une grande différence, c'est que les Français sont très individualistes, et de cet individualisme découle une forme de cynisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, de manière très hypocrite, une distance vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel ou de tout ce qui est collectif. C'est-à-dire qu'un Français, il se garde toujours le droit de ne pas adhérer, en fait. Vous voyez, il se laisse toujours une porte de sortie, quelle que soit la situation. Donc c'est jamais quelqu'un qui sera totalement et sincèrement engagé dans un mouvement, quel qu'il soit. Vous voyez, il gardera toujours une distance, comme ça. À la fois une distance pratique, c'est-à-dire comment je fais pour me dégager si jamais il y a un pépin, et une distance intellectuelle et même une certaine distance affective. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est très important? C'est parce que ces peuples du Nord, là, ils sont très peu influencés par le Sud. Et il y a toujours le phénomène tribal et le phénomène de mimétisme tribal. Donc quand vous voyez des féministes hystériques en Scandinavie, ces gens sont totalement sincères et croient dur comme fer à ce qu'ils font. C'est la grande différence. Et quand ça commence à mal tourner, c'est des gens qui deviennent très vite très autoritaires, mais pas autoritaires dans le sens déclaratif de l'autoritarisme, c'est autoritaire dans la pratique. C'est-à-dire qu'il y a, une vraie coercition qui est mise en place pour ramener dans le périmètre du troupeau le mouton noir, si vous voulez. Ça, vous allez le retrouver dans tous les peuples du Nord. En France, vous ne le retrouvez pas. En France, tout le cirque qu'on voit médiatique autour des trucs LGBT, au fond, personne n'y croit. Personne ne croit à l'ingénierie sociale juive. Tout le monde sait que c'est de la merde. Tout le monde le sait. Personne n'y adhère. On fait semblant d'y adhérer pour préserver une position sociale, pour donner l'impression d'être intégré socialement, etc. Mais personne n'y croit. Personne ne croit à rien en France. C'est ça. C'est pour ça aussi que le nihilisme en France est si fort. A un puissant sentiment collectif auquel les gens adhèrent en toute bonne foi. C'est pas vrai. Donc pour moi, ce qui me fait dire que, vous voyez, c'est pour ça, si vous voulez, que quand vous voyez la répression, enfin les autorités françaises dire hey, on va réprimer, quand vous regardez de près, vous voyez toujours que c'est toujours mal fichu. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté d'aller au bout, ça branle toujours dans le manche d'un côté ou d'un autre. Non mais c'est vrai, il y a des mecs qui traînent la patte, il y a l'autre qui veut aller dans l'autre sens, etc. Vous comprenez? Il n'y a pas. Disons que les Français sont pas suffisamment sérieux pour être fascistes. c'est ça, mais ni même communistes, ni même quoi que ce soit. Il y aura toujours l'option ouais, mais j'ai pas mon compte. Voilà, c'est ça. Mais c'est parfaitement normal. On est dire, regarde, on a des feux orange. Il y a très peu. C'est vrai. Ça. Il y a très peu de pays au monde qui il y a une telle la société tout entière admet qu'il y a une différence entre la légitimité et la légalité. Tu vas en Allemagne, les gens comprennent pas quand on leur dit ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Les règles, c'est les règles. Tout le monde les suit puis c'est tout. Totalement. Et c'est marrant parce que en Suède, la prostitution est interdite. Alors, c'est intéressant, mais visiblement, il y a une forme d'alliance de circonstances entre les conservateurs et les féministes à la fin des années 80, qui a créé un modèle vraiment très bizarre, où tu as la rigueur conservatrice qui s'est mêlée au sécateur coupe-couille féministe, où chacun ferme sa gueule devant les services sociaux. C'est très très particulier. Alors j'avais entendu une émission récemment sur le modèle suédois d'une radio un peu dissidente. C'était très intéressant. J'ai beaucoup changé la vision que j'avais de la Suède. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était pas mal du tout. C'est la Radio Athéna. Oui, c'est Radio Athéna. Oui, tout à fait, t'as raison. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vision? Enfin, c'était quoi ta vision de départ et c'est quoi ta vision d'arrivée? J'y voyais la Suède un délire gauchiste, LGBT, progressiste. Et j'avais totalement ignoré la dimension protestante du pays, en fait, pour simplifier. Alors, protestant du pays, tu veux dire le côté, le caractère austère, oui, puritain, un peu, entre guillemets, tu vois. Oui, alors ça c'est vrai. Et après je te donne la parole, Pierrot, bien sûr. Mais la France est un vieux pays catholique. C'est pour ça aussi on n'a pas du tout le même rapport à l'autorité. C'est qu'à la fois les Français sont très... les Français sont vraiment... c'est pas un peuple de... Les Français sont pas démocrates. Les Français sont... C'est pas du tout un peuple de démocrates, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, etc., ici ou là. C'est un peuple qui reste fondamentalement acquis, on va dire... Alors, permettez-moi une expression, ce n'est qu'une expression, c'est pas péjoratif, c'est pas pour déprécier l'institution monarchique, mais c'est un peuple qui est quand même globalement acclimaté au despotisme. Alors, les Français, ils aiment bien avoir et chercher leur despote éclairé, n'est-ce pas? Mais c'est quand même ça qu'ils recherchent. Hein. On ne peut pas effacer 1500 ans de, comment dirais-je, de monarchie, comme ça, pratiquement 1500 ans, quoi, et ni même avant, avant la monarchie française, de despotisme romain. Parce que la Gaule a été quand même occupée par Rome, pendant près de 5 siècles. Elle a été administrée par une figure autoritaire très forte qui est l'empereur romain. On l'oublie beaucoup, ça me surprend à chaque fois, mais voilà. Et donc les Français ont ce côté-là, et en plus, l'Église catholique a toujours, enfin, jusqu'à assez récemment, finalement, dans l'histoire de France, a toujours été, j'allais dire, le principe au plan idéologique et culturel, le principe continuateur du despotisme, ou du moins de l'autoritarisme institutionnel. Donc les gens, ils sont ambivalents, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont finalement assez révérencieux à l'égard du pouvoir, quel qu'il soit, et en même temps, ils savent que... ils savent que, comment dirais-je, le baratin qui est servi par le pouvoir en place... Est toujours profondément hypocrite, quoi. Et le côté, par exemple, anticlérical qu'on a trouvé en France, pour moi, il prend sa racine là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas critiquer la droite monarchiste sans évidemment attaquer l'Église catholique, qui elle-même était calquée sur le même système pyramidal. Donc il y a toujours cette distance vis-à-vis de l'autorité, et en même temps, les Français n'adhéreront jamais à un principe démocratique. Si vous mettez, même moi je le dis, il ne faut pas mettre les Français à un régime démocratique, surtout pas. Si vous mettez les Français à la sauce démocratique, ça vous donne les gilets jaunes. Je veux dire, les gilets jaunes, que de comètes, hein, c'est-à-dire c'est des espèces de soviets de gauchistes sous shit qui prétendent définir la politique, la stratégie nucléaire de la France. Ça se terminerait comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça en France. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être en raison de l'histoire. Et c'est sûr que quand on compare la Suède, on ne peut pas comprendre. Alors pourquoi je parlais de l'Église catholique et du côté un peu légaliste qui existe en France, et en même temps du côté... Enfin, tu sais, ce que tu as bien pointé du doigt, quoi, le fait qu'il y a constamment la tension entre la légitimité et la légalité en France, parce que finalement les Français sont schizophrènes, ils sont à la fois légalistes et remettent en permanence la légitimité du pouvoir en place en question. C'est que dans des pays comme les pays protestants, et surtout en Suède, les pasteurs sont beaucoup plus intégrés dans la société, et le mode d'organisation protestant, il part de la base. Donc ça fait quand même des siècles, ça fait au moins depuis la réforme protestante là-bas, donc ça fait des siècles que les Suédois, en plus des Vikings, enfin des Vikings, enfin de la société suédoise tribale, quoi, ça fait des siècles et des siècles que ces gens-là partent des conciliabules locaux pour bâtir une politique. Comparativement à la France, 8 siècles de centralisation monarchique et jacobine, autoritaire et centrée sur Paris, ben, je veux dire, c'est juste pas comparable. Non, effectivement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque où les... Alors, c'est pas ça. C'était les jeunes démocrates suédois qui en fait était l'aile droite du spectre politique là-haut, Je crois qu'ils ont été carrément, enfin, suite à leur montée électorale, on a carrément supprimé les élections. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ah non, oui, en fait, ils avaient fait un arrangement au niveau. Ils avaient fait une coalition des partis pour empêcher la tenue d'élections. Ouais, pour ouais, c'est ça. Empêcher que, qu'il y ait, ouais, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, en fait. Donc oui, finalement, est-ce qu'ils sont si. Est-ce que ce pays est si démocrate que ça? C'est une bonne question. Mais moi, je ne le connais pas suffisamment et le problème, c'est que. Enfin, c'est un autre Disons que monde, en fait. c'est un pays égalitaire, mais comment c'est une égalité, c'est un égalitarisme entre guillemets positif. C'est-à-dire que c'est un égalitarisme qui conserve des racines tribales. Vous comprenez? Je dis pas du bien de l'égalitarisme, mais c'est pour dire que ça part du principe que l'idée est de bien faire. En France, c'est pas du tout ça, c'est l'égalité négative. La question, c'est pas de savoir qu'est-ce que comment dirais-je, qu'est-ce que je peux avoir en plus, c'est comment je peux faire en sorte que mon voisin en ait moins. C'est très différent comme approche. Et en France, d'où ce virus, c'est pas sincère. C'est pas, parce que quand je dis, il y a la question de la sincérité. Quand vous entendez le Parti communiste, l'extrême gauche, ces gens-là sont pas en train de dire comment on va sincèrement améliorer le destin des gens les plus modestes, des pauvres. Non. C'est comment je vais pouvoir piquer dans la caisse de cette salope de voisin que je peux pas encadrer. C'est ça le communisme en France. C'est comment je transforme en politique budgétaire ma haine profonde pour le genre humain. Vous comprenez? C'est pas du tout la même chose. C'est la misanthropie transformée en politique. Le communisme en France et le gauchisme en France. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand je les entends parler, ils sont là, ils ont plein de mots dans la bouche pour dire, ah oui, on aime tout le monde, etc. Non, quand ils aiment les migrants, ils aiment pas les migrants parce qu'ils aiment les migrants. Ils aiment les migrants pour vous dire qu'ils vous détestent. S'ils aimaient leurs prochains, ils seraient trop occupés à s'occuper de leurs voisins, les petits vieux qui galèrent, je sais pas, dans leur maison tout seul, qu'il n'y a personne qui vient les visiter, ou comment dirais-je, ou la voisine qui travaille, qui a du mal à gérer la garde de ses gosses, etc. Tous ces trucs-là, ça, c'est des trucs concrets que tout le monde peut faire au quotidien. Bon, ça les intéresse pas. Voilà, ils préfèrent les poser dans le canard local, hein, en retraite, à côté d'une bande de nègres, pour dire, vous avez vu comment on est des gens bien. C'est toujours pour dire aux membres biologiques de leur propre peuple qu'ils les emmerdent. C'est toujours du snobisme bourgeois et individualiste. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais pu saquer la gauche française. Elle pue le faux. Elle pue le faux. Vous pouvez tous les prendre, toutes les tendances, les trotskars, les Mao, les anarchistes, les socialos les plus embourgeois, tout ce beau monde-là, ce sont tous des égoïstes. C'est tous des égoïstes. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue, mais bon. Bah, quand on a appris que Raymond Barre, même Raymond Barre, le saint Raymond Barre, avait un compte en Suisse où il avait plus de Oui. pognon Ouais. que. Alors pour qui, J'ai trouvé. J'ai, j'ai, entre pour les plus monsieur, entre jeunes, monsieur. qui savent pas, c'était celui qui était chargé de faire la lutte à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale dans les Oui, années ça a l'air d'être une 90. botte. Je parlais Ouais. d'hypocrisie, décidément. Mais C'est une comment dire, routine dans la gauche. j'ai trouvé ça quand même. Non, c'est un mec de droite. Bah. J'ai Oui, de trouvé ça quand centre. même très. J'ai Ouais. trouvé ça très mesquin Dans le d'aller. centre droit. Je trouvais ça mesquin d'aller sortir ces histoires de comptes en banque 10 ans après qu'ils soient passés, quoi. Je veux dire. Oui. Et ça, vous savez ce que vous savez ce que. Moi, pour moi, ça, c'est un crachat. C'est. Oui, je pense que c'est D'origine juif, juive. hein. C'est un Ah oui, crachat d'origine bien sûr, juive. C'est bien un sûr. crachat d'origine juive. Parce qu'avant de mourir, je pense que Raymond Barre savait que c'était une des dernières fois qu'on lui tendait un micro. Il avait dit, il avait insisté. Et c'était au micro d'une juive, hein, ou d'un juif, j'ai oublié. Il avait insisté pour dire que le lobby juif était particulièrement toxique et qu'il était capable des pires coups pour venir à bout d'un appareil politique, d'un adversaire politique ou. Considéré comme un adversaire politique. Ça, la juiverie ne l'a jamais dirigé, parce que digérez, vous savez très bien que hein, Bah, alors, ni si... oubli ni pardon. Hein, voilà. Donc, oui, alors, il faut dire qu'il avait eu un mot lorsqu'il y avait eu un attentat, enfin un attentat, oui, un attentat, hein, devant une synagogue, je crois. Oui. Et en fait, il avait dit que. Alors je crois que du coup, c'était des Français normaux qui avaient été tués et pas des Des Juifs. Français innocents, des Français innocents. Voilà, il avait dit un mot, voilà, ces gens-là qui voulaient tuer des Juifs ont tué des Français innocents. Sur France Culture, hein, c'est le rendez-vous des politiques, une leçon de sagesse aujourd'hui en compagnie de Raymond Barre, avec pour vous interroger Philippe Reynaud, Éric Mandonnet de l'Express, Yann Moulier-Boutan et Caroline Brouet de France Culture qui vous pose tout de suite une question. Monsieur le ministre, la conversation nous y invite. Je voudrais que vous reveniez rapidement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il vous était parfaitement indifférent qu'on vous taxe d'antisémitisme ou de négationnisme ou que sais-je, etc. Il est vrai qu'une telle accusation n'a pas de sens. Néanmoins, vous avez eu, les Français s'en souviennent, un mot malheureux au moment de l'attentat de la rue Copernic. Et je voudrais, puisque vous l'évoquez dans le livre d'entretien avec Jean Botorel, qu'on revienne un instant dessus. Vous aviez dit, au moment de l'attentat de la rue Copernic, il y avait 3 morts. Vous avez dit votre indignation devant cet attentat odieux qui voulait frapper les Juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Oui. À quelle occasion vous regrettez ce mot-là? Non, parce que je me souviens très bien. C'est un lapsus, enfin. Non, je me souviens très bien du climat dans lequel j'ai dit cela. Et n'oubliez pas que dans la même déclaration, je dis que la communauté juive ne peut pas être séparée, à mes yeux, de la communauté française. Ça, personne ne doute que vous le pensiez, mais c'est le mot de Français innocents qui. Peut-être, mais ils n'ont pas continué. Quand on cite en entier. Tout à fait. Et la campagne qui a été faite par le lobby juif, le plus lié à la gauche, venait du fait que nous étions dans un climat déjà électoral. Et moi, ça ne m'a pas impressionné. Et ils peuvent continuer à le répéter. Bien sûr, mais c'est l'expression de Français innocents sur laquelle je voudrais revenir. Parce que c'était des Français qui circulaient dans la rue et qui se trouvent fauchés parce que on veut faire sauter une synagogue. Alors, ceux qui voulaient s'en prendre aux Juifs, ils auraient pu faire sauter la synagogue et les Juifs. Mais pas du tout. Ils font un attentat aveugle, et il y a 3 Français non-Juifs. C'est une réalité. Non-Juifs. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs, eux, ne sont pas Français. Monsieur, c'est le mot d'innocent, en l'occurrence, sur lequel je revenais. Oui. Vous dites non-juif, c'est incontestable. Pourquoi aviez-vous parlé de innocent à ce moment-là? Parce que ce qui était la caractéristique de ceux qui faisaient l'attentat, c'était de châtier des Juifs coupables. À leurs yeux. Mais bien sûr, à leurs yeux. Pas aux miens. Les Français n'étaient pas du tout liés à cette affaire. Non, je suis très clair sur ce point. D'ailleurs, aucun de mes amis juifs, et j'en compte, ne m'a fait grief là-dessus. Non, Raymond Aron, vous avez défendu à cette occasion. Oh, pas seulement Raymond Aron. Bien sûr, mais tous mes amis juifs. Question de Caroline Brouet. Oui, mais là, je tiens à vous dire que sur cette affaire, je considère que le lobby juif, pas seulement ceux qui me concernent, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. Et ça, ça, les Juifs, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu. Mais lui, il avait expliqué. Oui, bah, il n'entendait pas bien sûr que les Juifs étaient coupables, mais voilà, qu'ils avaient tué des Français. Oui, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était que du point de vue des terroristes, selon eux, il y avait une distinction entre les Français lambda et les Juifs, fussent-ils de nationalité française. Et quand ils ont commis leur attentat, ils visaient spécifiquement des Juifs, mais que l'attentat ayant eu des conséquences indiscriminées a touché tout public qui passait par là et a donc touché d'autres Français. Et c'est là qu'il a dit, ils ont tué des Français innocents alors qu'ils visaient des Juifs. Voilà. Mais ça ne voulait pas dire que de son point de vue, ces gens-là qui avaient la société. Oui, mais les Juifs, c'était trop C'est simple, hein, les Juifs, c'est. Oui, tout à fait, oui. Alors qu'ils ne pratiquent jamais l'ambiguïté, les Juifs. Non, jamais. Ils ne pratiquent jamais le faux drapeau, c'est un mythe historique. Oh non, tout à fait. Et ils ne mentent pas. D'ailleurs, vous avez vu, Halimi. Cette dame juive qui est morte dans des conditions, en fait, par un nègre fou, encore un nègre fou, complètement camé, 15 joints par jour. En fait, les juges ont conclu à la non-responsabilité pénale de l'intéressé. Hein. Et alors ça. Du fait de son alors que je pense peut-être c'est un nègre. Drogue, drogue et cuit quoi. Oui. Et alors ça hurle de partout évidemment dans la communauté qui avait exigé et qui avait décrété que c'était un meurtre antisémite. Oui. Donc pourquoi je dis ça ? Je veux dire pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire, en fait ces gens, vas-y ils pratiquent jamais l'ambiguïté, ils avaient créé toute pièce un meurtre antisémite qui n'en était pas un parce que ces gens sont complètement paranoïaques. Et maintenant qu'ils sont, ils vont se prendre un gros seau de flotte glacée dans la gueule, ils savent plus comment faire. Et ça va être la même chose avec la vieille Knoll, hein. Ça va être la même chose. Hein. Oui, t'inquiète pas, ils vont nous recréer autre chose là à très court terme, parce qu'il y a besoin de faire passer certaines lois hein, qui jugent c'est d'ailleurs vrai, pas assez liberticides. Donc on va trouver quelque chose très très rapidement, on va ressortir un vieux dossier, ou au pire il y aura un petit juif qui va se faire prendre son pain au chocolat par Mokhtar. On va trouver un truc, t'inquiète pas, c'est dans les tuyaux. Oui, surtout que le rétablissement de la vérité, c'est voilà un petit morceau planqué comme ça dans un journal, on en parle deux secondes quoi. Par contre, l'attaque antisémite, alors là, t'en bouffes, c'est comme les fruits et légumes, hein, 5 fois par jour pendant 10 ans. Avez-vous remarqué qu'il y a tout de même beaucoup moins de cimetières juifs qui sont tagués depuis qu'il y a moins de manifestations des gilets jaunes et moins d'élections. C'est étonnant, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faire des statistiques là-dessus. Curieux, je lance un appel. Hein, surtout en Alsace, moi je sais pas, non. Je me disais, voilà, les nazis sont aux portes du pouvoir, etc. Et là, tout d'un coup, on n'entend plus BHL. L'affaire a l'air d'être entendue. Curieusement, les tags. Bah oui, quand le juif est craintif, il va taguer cet homme. C'est. La vieille ficelle du rabbin. Multiséculaire. Multiséculaire, mais malheureusement, les goy avalent ça. Ah bah ouais, ça marche. Temps, pourquoi voudrais-tu qu'ils arrêtent ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant. C'est la rubrique numéro 4. Ce sont les sales nègres la semaine. Quel magnifique spectacle ! Ça s'est passé au Panthéon, qui a été. Organisé par les mêmes d'ailleurs, les marxistes, on a retrouvé Coquerel, député de la France Insoumise, donc mélenchoniste, à la manœuvre, c'était au Panthéon, envahi par les nègres sans papier de je ne sais quel pays, on va y revenir. Je vous propose d'écouter un extrait de cette invasion, ça va vous plaire, cher auditeur, j'en suis convaincu. On écoute et on se retrouve. Je découvre la chose, j'avais vu que les photos. T'as vu, là, ils sont tout. Alors, il y a des travelling, il y a une horde. Ah, le final, là, c'est. Ouais, c'est gilet noir. Ils scandent gilet noir. Et alors, au fond, il y a donc la statue de la Convention nationale qui célèbre en fait, l'avènement de la République. C'est quand même. Pourquoi tu rigoles ? Je veux dire, c'est un beau symbole. C'est un beau symbole républicain. Moi, je trouve ça bien que, finalement, la République aille vers la complétude, quelque part, et que Robespierre finisse en boubou. Alors, est-ce que quelqu'un veut réfléchir avec oui, moi oui. Et... Moi, je voudrais d'abord, déjà, Gandalf, apporter tout mon soutien aux Gilets Noirs. Je comprends leur combat. Je voudrais aussi leur dire qu'il faudrait aller dans les quartiers un peu riches, pour réclamer du pognon, des papiers, enfin tout ce qu'ils veulent. Je leur indiquerai le quartier du Sentier, le quartier du Marais, et il faudrait aussi qu'ils fassent quelques manifs à l'Assemblée nationale. Je suis de tout cœur avec eux. Le Panthéon, c'était quand même bien. Derrick. Derrick, c'est Simone Veil, quoi. Il faut indiquer. Là, caca ici, hein, parce que c'est comme ça qu'il. Alors, attends, je précise le contexte. Parce que là, comment dirais-je, il a saisi sa mitre. Derrick, comme vous le savez, puisqu'il est quand même cardinal de son état, de l'église de négrolâtrie. Alors, c'est un ancien lieu de culte, le Panthéon, qui a été transformé en temple républicain. Pour le coup, je crois qu'il est devenu là totalement républicain à la faveur de cette intervention et de l'Éther Nègre. Je veux dire, le miracle s'est accompli. L'Éther Nègre a pris possession des lieux, voilà. Hein, voilà, c'est ça. C'est le renouveau spirituel français, l'incarnation française. Mais c'est beau quand même. Bah c'est beau, mais voilà. Moi, c'est quand même très important que ces gens-là aillent laisser une petite. Une petite offrande. Ces gens-là, comment ça c'est oui, oh là, oui. Excusez-moi du dérapage. C'est nègre, hein, voilà, simplement. C'est orques aillent faire une offrande sur la stèle de Simone Veil. Moi, c'est ça qui me. En déféquant. Oui, oui. C'est l'engrais, quoi. C'est pour fertiliser l'avenir. L'humus de la République. Voilà, l'humus avec le humus, bon, c'est un petit peu, hein, ça se ressemble. c'est une alliance républicaine, quoi. Il faut préciser que c'est une nuée, hein. C'est une nuée, c'est pas. C'est une des rares vidéos. Hein. C'est une des rares vidéos où je me suis bouché le nez en la regardant. Ça pue. C'est magnifique. Quoi. Alors le lieu est beau, c'est assez solennel. Vous vous rappelez, les slogans. Moi j'aime bien les slogans. Il y en a eu d'autres des slogans. J'ai entendu la France c'est chez nous, je sais pas quoi. C'était quoi? Alors tu as une espèce de nègre à sans front. Alors il a pas de front. Il est au-dessus des sourcils. Tu as 2 cm. C'est là ce que se loge le. Une table. Oui. Enfin, le truc, tu vois, il y a un machin, il y a une petite puce dedans, une bille qui se balade. Et le nègre, il dit, oui, demain régularisé, hier colonisé, aujourd'hui exploité. Hein, il dit, parce que, bon, il ne sait pas parler. On sent quand même qu'il y a du vieux Trotskar derrière. Putain, il y a le nègre, il sait pas parler, on lui a pris 6 mots. 6 mots. Aujourd'hui ça, demain ça, hier ça. Putain. Alors. La colonisation, quoi. Putain, au secours. Tu m'impressionnes. Je n'aurais pas mieux résumé la carrière de Marcy. C'est tout à fait ça. Alors, Marcy, il rigole en même temps. Il y a un sourire. C'est différent. C'est pas pareil. Oui, il y a du nègre rigolard dans le groupe là, quand même. Oh mais là c'est le nègre à barbe là. Putain. Alors moi je vais vous dire, il faut pas le croiser. Je vais vous dire une chose, hein. Les trotskistes ont sorti ces gens-là de je ne sais où, parce que c'est soudain, hein, vous savez, c'est comme quand il y a une inondation, il y a tout d'un coup les rats sortent. Oh, il y en a plein à Porte de la Chapelle. Ouais. Bon, ça qui manque le nègre en Île-de-France. Imaginez si demain il y a pour X raisons, allez savoir quoi, un coup d'État dans une de leurs républiques nègres. Bon, bref, ils sont pas contents, ils sont en colère et ils décident tous de converger, place de la République, place de la Concorde, mais tous. Hein, une marée noire, ça ferait des images extraordinaires. J'aimerais que ça arrive, ça. J'aimerais que ça arrive. Qu'on voit le nouveau Paris débordé. J'aimerais bien ça. Il faudrait en plus grand, quoi. Bah, il faudrait une équipe africaine francophone qui soit en finale de la Coupe du Monde, quoi. Oui, non, mais oui. Non, mais pas française, tu vois. Il faudrait vraiment les nègres du cru, quoi. Tu vois, genre, tu sais, bon, les plus jeunes, c'est pas connu. Le Sénégal en 2002, putain. Ah, le Sénégalais! Ah, quelle merveille! Putain, mais c'était là. Ah non, c'était plus loin que ça, parce que les médias français. Surtout dans le football, hein. Mais vous savez, il y avait tous les Gilardi, toute cette clique-là. Ils étaient là en train d'expliquer que c'était l'équipe B Oui, l'équipe B de France. Oui, oui, ce qui bon, c'est en fait n'était pas faux non plus. Mais, C'était pas faux, mais c'était dit avec une telle ferveur. Tu sais, il y avait quand même des belles sélections européennes qui jouaient. Ah non, il n'y avait rien à faire. Les médias français, et d'ailleurs une partie des Français, hein, faut pas non plus. Ils étaient absolument. Voilà, et pourquoi ? Ah, c'était fascinant. Bah, pourquoi ? Bah, c'est simple. Ah, il est dégueulasse, il est marrant, il a des grandes lèvres, des grandes babines, il sourit, les dents sont blanches. Et les gens sont comme ça. Hein. C'est ça. Le côté enfantin et idiot du nègre excite chez le français sa dimension paternaliste. C'est assez effrayant, je dois dire. Bah écoute, oui. La dimension de maternage chez les putains nègres qu'on voyait aussi. Hein. Après, oui. C'est un maternage. De maternage, voire autre chose. Oui. Hein. Tu as des nanas après qui attrapent les nègres, on ne sait pas pourquoi, et les serrent dans les bras et puis leur disent « tu es une belle personne ». Trotskiste peu négrifié. On a déjà eu le château de Versailles, on a eu les nègres pédés à l'Elysée, le Louvre, on a eu comment ça s'appelle, c'est fait. Oui, avec Beyoncé. Oui, et les négresses qui sur les conseils du réalisateur qui était originaire de Jérusalem, faut quand même le préciser. Oui, oui, ça va de soi. Ah oui, non, c'est vrai, non, c'est même pas une image, c'est vrai. Pourquoi d'autre? Je sais pas. La cathédrale de Reims. Bah, la cathédrale, elle a cramé Notre-Dame. Donc ça, c'est fait. Non, tu diras, la cathédrale. Voilà. Ouais, non, mais c'est symbolique, la cathédrale de Reims. Ouais, mais à Reims, oui. Mais bon, sur Paris. Le Reims, c'est pas tout à fait pareil. Et, voilà, et sur Paris. Un sacre de nègre à Reims. Ça, c'est de la gueule. Ça, tu. Bah, de toute façon, ça, j'ai dit. Hein. Si la monarchie est restaurée en France, ça sera un roi nègre. Ça, je l'ai dit. Hein. Oui. En plus. Non, mais ça se passera en Saint-Denis. Hein. Moi, je sais tout ça déjà. Bah oui. Bah d'ailleurs, hein, forcément. En plus, c'est raccord, puisqu'ils ont envahi, avant d'envahir le Panthéon, ils avaient envahi la nécropole des rois de France, et ce qui revient avec ce qu'avait dit Napoléon, hein, voilà, l'histoire de France est indivisible, je prends tout. Bah voilà, pareil, la négrification de la France est indivisible, on prend tout, aussi bien sous la monarchie que sous la République, et c'est raccord. Voilà, très bien, formidable. Prochain objectif, alors, reste plus grand chose à négrifier. Peut-être l'Assemblée nationale. Ça manque un peu de peps quand même. Bah, y a quand même Laetitia via l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. On a Obono et tout ça. Ouais, là aussi, le boulot est entamé. Non, mais un truc un peu. Hey, attends, Avia, c'est quand même une négresse de qualité. Regarde la mâchoire qu'elle a. Regarde-moi ça. Bah, les chauffeurs de taxi s'en souviennent. Moi, ce qui vous. Je veux dire, s'ils veulent interpeller l'opinion, je pense qu'il faut que les nègres aillent procéder à l'occupation du mémorial de la Shoah. Je pense que c'est là que ça c'est là que ça va vraiment faire. En se présentant tout simplement comme les nouveaux déportés, ça me paraît évident quoi. Ils disent les exilés, mais comment ça les exilés? Ça veut rien dire ça. Les déportés. Ouais, non mais faire un petit slogan du type hier déporté, aujourd'hui gazé, demain régularisé, tu vois. Ça va faire des gueules. On devrait soumettre l'idée à Rocaille Diallo et puis on est bon. Non, Rocaille, elle fera gaffe à sa gamelle de Maffei. Oui. Hein. Bah oui. Elle a conscience de la hiérarchie. Certaines limites, ouais. Oui, voilà, c'est Rocaille, ça. Rocaille est pragmatique. C'est ça, c'est une seule négresse aussi, accessoirement. Tout à fait. Alors, le Panthéon, en tout cas, nous a offert une scène magnifique d'espoir républicain. J'en suis très heureux. Renouveau voilà. Spirituel et charismatique. Très bien. Vous remarquez que le juif rentre, le nègre suit. Hein. Voilà, Simone Veil rentre en Panthéon très peu de temps après. Peut-être par le fumet. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui. Enfin, il y a un lien, une cohésion. Hein. Il y a une cohésion. Bon. Il y a un truc qui risque de se passer, je pense, au Panthéon. Ils ont compris quelque chose. Parce que là, ils mettent des juifs, etc. Mais les juifs, vous voyez. C'est le truc des boomers, vous savez, les juifs. La religion de la victimerie juive, c'est pour les boomers, vous voyez. Là, nos négrillons de choc et nos salafistes, pour qu'ils fassent pleinement partie de la République, va quand même falloir leur envoyer des signaux positifs, vous comprenez. Moi, je pense qu'on va vers, des translations, de restes de figures éminentes de l'histoire de France, comme Ngaku Mbaffé, parmi d'autres, hein, je veux dire, et d'autres, hein, au Panthéon pour signifier qu'ils font partie aussi du récit républicain, du récit national. On y va. Je pense qu'on y va. Ils ont compris le message, je pense. Je pense qu'ils ont compris le message. Peut-être Claude Lanzmann aussi, si vous voulez. Bon, pourquoi pas Claude Lanzmann, hein. Ouais, bon. Pourquoi pas. Bah, les Juifs, oui, quand même. Oui. Puis Shoah. Un arabe aussi, il faudrait. Ou deux. Ah, on a Zidane pour ça. Mais il est vivant. Ça peut s'arranger. On fait confiance aux autorités républicaines, plus particulièrement d'ailleurs, au consistoire, pour régler le problème. Il nous faut des figures positives à intégrer au Panthéon pour que tous les enfants de la République y soient représentés. Le message est passé. Chers amis, je vous propose de nous séparer sur une touche d'espoir. Là, c'est la rubrique numéro 5. Dégénérescence. Alors, ça peut sonner un peu agressif, un peu marqué. Mais non, c'est de l'espoir. J'ai dit, on était sur l'espoir républicain au Panthéon. On poursuit. Et là, c'est avec une institution fondamentale de notre République que je vais lancer ce sujet. C'est la police. Donc les gardiens de notre République au quotidien. Et nous retournons à Rouen. Vous vous rappelez, on avait parlé de djihadisme à Rouen quand il y avait ce comico qui avait été complètement pris d'assaut par toute une série de bougnoules au cri d'Allah Akbar. C'était quand? Il y a deux semaines, ça? Ouais. Deux semaines à peu près. Toujours région de Rouen. En Normandie, on y retourne, et là encore, c'est au commissariat que ça se passe. Alors, c'est BFM TV qui nous en parle. Au commissariat de Rouen, en mai, un policier donne rendez-vous à un homme contacté sur un site de rencontre. Il le confond avec un autre homme, convoqué pour une audition. C'était un rendez-vous aussi coquin qu'insolite, et il ne s'est pas déroulé comme prévu. Au mois de mai dernier, un policier de Rouen, père de famille, décide d'inviter au commissariat un homme rencontré peu avant sur un site internet. Problème, comme le rapportent nos confrères de Paris-Normandie. L'entreprenant membre des forces de l'ordre va confondre son convive avec une autre personne convoquée pour une audition. Suivront un grand malaise et un dépôt de plainte pour agression sexuelle. Il est environ 14h, un dimanche de mai, quand le policier descend à l'accueil du commissariat et rejoint un individu ressemblant aux photos de l'homme rencontré sur internet. Tous deux montent dans son bureau où le policier, pressé de commencer son affaire, se met à palper le sexe du convoqué. Surpris, l'homme pense d'abord à une fouille dans le cadre du plan Vigipirate, d'après une source judiciaire. C'est lorsque le policier baisse son pantalon que l'homme comprend qu'il n'est pas là pour son audition en tant que témoin d'une bagarre. C'est alors que le malaise s'installe. Nous nous sommes aperçus tous les deux qu'il y avait un problème. J'ai compris qu'il y avait une grosse méprise de ma part, que je m'étais trompé de personne à l'accueil. Immédiatement, je me suis excusé, j'étais très confus, gêné par la situation. J'ai alors accompagné ce monsieur en bas en m'excusant à nouveau et suis remonté dans mon bureau, a déclaré le policier dans des propos rapportés par Paris-Normandie. La première fois que le monsieur raconte cet épisode à un autre policier, ce dernier, amusé, ne le croit pas. Mais l'auditionné a finalement porté plainte pour agression sexuelle. D'après nos confrères, une enquête préliminaire a été lancée. Je regrette d'avoir pu choquer ce monsieur. Je le regrette sincèrement. Je regrette aussi sincèrement d'avoir organisé ce rendez-vous sur mon lieu de travail. C'est la première fois que je faisais venir quelqu'un au commissariat, a déclaré le policier incriminé auprès de nos confrères. Alors, voilà, police républicaine. Correction, c'est la première fois qu'il se fait prendre. C'est pas pareil. Ah oui, voilà. C'est ça, nuance. Alors, bon. Il y a 15 jours, c'était un peu éprouvant, les mecs en avaient gros sur la patate, ils se sont dit « bon, allez, on va décompresser un peu », et du coup, ils ont convoqué leurs amants, hein, on peut le dire, pour passer un bon temps. Ah non, mais j'imagine déjà la scène totalement, scénarisée, où les types ont dû s'échanger vers leurs applications de merde, du type « voilà, tu vas venir tâter de la grosse matraque ». L'autre a dû répondre. Non mais on en rigole, mais c'est... j'en suis persuadé. Kaliougasque. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, alors, t'es venu prendre un contrôle, hein, tu vois, c'est ça, un truc comme ça, tu vois. Et c'était sûr que les menottes allaient terminer dans l'affaire. Enfin, vous imaginez la totale, quoi. Et, mais c'est vrai que c'est incroyable, hein, quand on y pense. C'est un père de famille, hein, n'est-ce pas? Les PD sont des sales PD. Ça, effectivement. Celui-là, en fait, il est à voile et à vapeur. Il est bisexuel, en fait. Hein. Oui, enfin, pour moi, ça compte pas. C'est pareil. À voile et à vapeur, pour moi, t'es de la. Non, mais je suis bien d'accord. Mais visiblement, il est polyvalent. Ouais, c'est un PD à l'ancienne, quoi, tu vois. Les PD, peut-être, c'est ça. Un flic d'un certain âge où, voilà, quoi, il fallait quand même, malgré tout, trouver une femme, faire des mômes. Enfin, bon. Est-ce que c'était forcément mieux? Je ne sais pas. Bah, je pense pas, hein. Parce que c'est quand même drôlement d'hygiénique des PD qui se reproduisent. Ouais, effectivement. D'autant plus que c'est génétique, donc est-ce qu'il y a une part des. Oui. Bon. Ou alors le mec, sa femme, c'est un tel calvaire, vous voyez, qu'il est devenu PD. Bah non, mais souvent, tu prends une maîtresse, tu vas. Je crois pas, au pire, tu te fais une moine ou tu te la coupes. Tu trouves une gonzesse à côté. Non. Ah oui, sûr. L'histoire, là, c'est vraiment. Il n'y avait pas une histoire de cuir encore là-dedans? Le prestige de l'uniforme. Non, mais pourquoi? Le type veut faire. Imaginez ça, enfin, il faut se mettre dans la tête du mec, c'est difficile, mais pourquoi faire venir quelqu'un, je veux dire, pour un rapport sexuel, fût-ce entre fiottes, sur son lieu de travail? En soi, c'est complètement dingue. Sauf si dans le délire, vraiment. Ouais, comme a expliqué MacDev, quoi. Tiens, regarde mon gros pétard. C'est ça. Tu te dis que les mecs, ils ont dû se chauffer mutuellement via leur truc là. Comment ça s'appelle? C'est Grindr, ça, je crois. Tinder? Non, c'est Grindr, je crois. Parce qu'en fait, il y a des trucs spécifiques PD aussi. Non, mais Tinder, l'application. Enfin, je pense que c'est majoritairement des hétérosexuels qui utilisent ça. C'est basé sur une application de fiottes. Encore une fois, merde née aux États-Unis qui s'appelle Grindr. Ah d'accord, ça. Ouais, et les. Enfin, c'est reconnu que les PD, hommes, et c'est pas le cas des lesbiennes, parce que. On pourra en revenir là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, mais les hommes PD accumulent au cours de leur vie un nombre de partenaires sexuels, c'est du délire, c'est de l'abattage. Les mecs peuvent se taper 3, 4, enfin vous demandez à n'importe qui a un peu bossé dans le monde de la nuit, tu le diras. Les mecs, ils se trouvent un coup d'un soir, ils vont ressortir pour se retrouver un deuxième ou un troisième. Mais c'est pour ça qu'en Europe, les PD sont beaucoup plus touchés par le sida qu'en Afrique. En Afrique, les femmes sont autant touchées que les hommes. Parce qu'effectivement, ils ont des mœurs un peu délirantes et que, bon, t'as aussi des conditions d'hygiène, voire de drogue qui sont délirantes. Mais chez les PD, c'est du délire, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre des traitements spécifiques qui coûtent 1 500 € par mois ou par semaine, je ne sais plus, pour se prévenir du sida, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la PrEPS, un truc comme ça. C'est marrant, c'est comme les institutions spéciales arabes dégénérées aveugles. C'est marrant, hein, tout est payé. Et juste pour rigoler, mais rien que le nom de l'application, Grindr, en anglais, Meat Grinder, c'est un hachoir à viande. Donc déjà, voilà quoi. Hein, t'es au courant. C'est ça, c'est. Ouais, ouais. Alors, pour en revenir au comportement sexuel des PD, l'intérêt quand même du mariage et de la vie à deux, hétérosexuel, en couple, hein, pas en pair, en couple, un homme, une femme, c'est que pour moi, l'intérêt de l'autre sexe, c'est que ça peut limiter la démesure et les excès qui sont propres à ton sexe. Si on admet qu'après tout, il y a une phase d'ombre, une masculinité toxique, comme on dit, chez les hommes, et je pense que c'est le cas, hein. Les hommes, voilà, peuvent avoir tendance à être brutales. Bah, la femme, les limites, tu vois, leur apporte une forme de barrière morale, voilà. Et c'est l'intérêt du couple, tu vois, c'est vu que chacun a un peu sa face d'ombre, bah il y a une vivre en couple, ça limite l'hubris. Et l'hubris des hommes qui sont portés uniquement quelquefois par l'orbite comme chez les PD, c'est que les types baissent tout ce qui bouge, quoi. C'est du délire, vraiment. C'est assez inimaginable pour un homme hétérosexuel. Bon, n'importe quel barman ou videur te le dira. Moi, j'ai des chiffres, si tu veux. Hein. Il y a une étude qu'a fait l'entreprise Durex, donc les fabricants de préservatifs. Donc, ils ont essayé de voir un peu par rapport à leur cible, le nombre de partenaires qu'avaient les hommes hétérosexuels au cours de leur vie, donc c'est 13 partenaires différents. 7 partenaires hommes, toujours pour les hétéros, alors que pour les homosexuels hommes, c'est 108 partenaires différents. Oh la vache, putain, ouais. Ouais, et c'est une moyenne, parce que là-dedans... C'est une moyenne. C'est, ouais, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la gaussienne, quoi, parce que c'est 108, c'est la moyenne, mais à mon avis, plus tu vas vers la gaussienne, plus tu trouves une certaine population qui a... Parce qu'il y a beaucoup de PD refoulés, tu vois. Des PD qui passent pas là, tout très rarement. Mais il y en a qui sont totalement débridés, qui arrivent je pense, à 1000. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, et puis il faut voir aussi autre chose. C'est que le stock disponible est infiniment plus restreint pour un homosexuel, par définition. Oui, et puis... Ce qui fait que, finalement, au bout d'un moment, dans une ville donnée, parce que ça se passe souvent par ville, vous savez, c'est souvent dans... C'est à peu près ça, c'est souvent à l'échelle d'une ville, hein, on va dire d'une assez bonne taille, quoi. En fait, peu ou prou, tous les PD ont couché les uns avec les autres, en fait, à un moment donné. Ils se connaissent tous, c'est ça, de toute façon. Ils se reconnaissent. Ouais, ah oui, ça immédiatement, hein, en 5 minutes, c'est fait. Hein. Mais comment dire... Non, mais je sais pas si vous imaginez, alors qu'un homme, un hétérosexuel, un homme, quand il rentre dans une place... Dans un endroit, je sais pas, peu importe lequel, quoi, on va dire, une entreprise, un lieu public, etc. Bon, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, admettons. Bon, bah, s'il en connaît un ou deux, c'est déjà autre chose, soit c'est déjà un truc. Alors que les homosexuels, dès qu'ils rentrent dans un endroit fréquenté par des homos, ils se connaissent absolument tous, et la moitié a couché avec l'autre moitié, quoi. C'est effrayant, quoi. Oui, c'est incroyable. C'est la maçonnerie de l'anus. Les gens se connaissent, mais ils se font des services entre eux. C'est ça que les hétéros comprennent pas. C'est ça que les hétéros comprennent pas du tout. C'est-à-dire que quand vous savez ça, quand vous savez que, c'est un stock extrêmement limité, que les types ont une suractivité sexuelle, donc ils ont tous eu des rapports sexuels les uns avec les autres pratiquement, enfin, ou de toute façon ils ont couché avec l'ancien amant d'eux, donc de toute façon ils savent tous sur tous. Ces gens-là. Ils sont éternellement liés par l'anus, et en raison de leur petite part dans la population, ça leur donne une proximité qui va faire que les types vont serrer les coudes, fatalement. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que les hétéros ne comprennent pas. Les hétéros, c'est exactement comme l'islam avec les chrétiens. Les chrétiens pensent que l'islam, c'est le christianisme des arabes. Les hétérosexuels pensent que l'homosexualité, c'est l'hétérosexualité des homosexuels. Les types ne comprennent pas que c'est fondamentalement différent dans la pratique et dans ses conséquences. Ils ne bitent rien à ces questions-là. Ils ne bitent rien. Et les homosexuels, ils devront rire. Ils devront rire, d'ailleurs. De voir à quel point les hétéros... Parce que déjà, ils les aiment pas. Ils n'aiment pas les hétéros, quoi. Et les plus teigneux sont extrêmement vindicatifs. Hein. Extrêmement vindicatifs. Hein. Oui, c'est pas étonnant après qu'on le retrouve avec les juifs après à conspirer. Hein. Le fantasme des homosexuels, c'est de convertir un hétérosexuel. Ah oui, oh non. Oui. C'est très fréquent. Alors pour ceux qui ont un peu, je vais dire une mauvaise vie, mais qui ont un peu sorti quoi, dans des bars, dans des boîtes, peu importe. Bourlingués. Ouais, voilà, qui ont bourlingué, qui ont discuté avec de la viande saoule. Ou autre, vous le diront, il est plus fréquent de se faire draguer, quand on est hétéro, hein, de se faire draguer par un homo que par une femme. Voilà. C'est même beaucoup, beaucoup plus fréquent. Se faire draguer par une femme, c'est quand même très rare. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez peu fréquent. Et vu que... Moi, je pense que c'est un peu propre à tous les hommes, qu'ils soient homo ou hétéro. Et disons que... Voilà, quoi, quand t'es célibataire, bon, même quand il y a... Comment dire, les hommes se goinfrent, tu vois. Je pense que il y a un côté... Enfin, s'ils peuvent. Ouais, s'ils peuvent, ils se goinfrent. Voilà, donc... Parce que c'est quand même assez, je veux dire... c'est pas 100% des mecs, hein. Il y a une minorité non. d'hommes qui ont accès à la plupart des femmes. Mais c'est une minorité. Donc, quand le stock de partenaires possibles et consentantes est virtuellement illimité, les types ont une hygiène de vie absolument déplorable. Et d'ailleurs, je crois récemment que maintenant ils peuvent donner leur sang, ce qui est une aberration. Oui, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà. Non, mais ils peuvent donner, mais si tu veux. Il y avait quand même des restrictions, ou alors, bon, c'est un questionnaire, hein, où on leur disait, il faut que vous ayez un an d'abstinence. Ça... Oui, bah oui, avec ce qu'on vient de dire, oui. Oui. Bah, oui. Bon, mais, un PD avec un an d'abstinence, quoi. Voilà, alors, et du coup, bon, comme la République, l'égalité, tout ça, on est tous pareils. Ah, bah oui. Discrimination Panthéon. Discrimination... entre les gens normaux et les PD, et donc ça ne passe pas, c'est pas constitutionnel, ouais, tu vois, c'est pas il peut pas y avoir d'inégalité par rapport à tes orientations sexuelles, donc le délai a été fixé à 6 mois, je crois que c'est 6 mois ou pas de délai, je sais plus, comme les gens normaux, quoi, en gros, le même traitement. Et je crois que c'est... Ben on en avait parlé il y a quelques mois, c'est ça qui m'avait inspiré un titre d'émission sur le boudin sidaïque à filer au nègre, puisque ce sang-là ne sert à rien. Oui. Autant le filer à bouffer au nègre. Hein. Tout à fait. Mais qui n'en seront d'ailleurs pas incommodés pour le moins du monde. Ben non, voilà, ils iront faire cuire ça sur la tombe de Simone Veil au Panthéon, ça sera merveilleux. ça sera une merveilleuse odeur, enfin, ce sera un petit peu avec des oignons, hein, c'est superbe. Hein. Et du maïs. Du manioc. Ouais, mais j'insiste pour le fait qu'ils fassent cuire ça sur un caddie au Panthéon. Avec du maïs. Avec du maïs. Ouais, alors, le truc. Qui rendent le gras sur la... Me l'accordes-tu? Ah bah oui, bien sûr. Ah, merci. Alors, pour revenir à notre police républicaine, donc, qu'est-ce que... À Rouen, où donc... Donc, en fait, je pense, c'est quoi, il y a des semaines paires, les semaines impaires, ils se font prendre d'assaut par les bougnoules, semaines impaires, ils s'enculent dans les comicos, comment ça marche? Bah, du coup, je comprends mieux pourquoi ils sont pas intervenus, du coup, parce qu'en fait, c'était juste des fiottes, et donc ils avaient peur. Ils avaient peur de devoir être obligés de griffer ou de pincer pour se défendre. Mais ce sont des fonctionnaires déjà, donc bon. Oui. Entre ça et les machins créoles qui te font chier pour le permis de conduire ou ta carte d'identité, bah ça reste la même merde, quoi. Bon, ils se baladent avec des flingues, bon. Ouais. Alors, il y a Castaner aussi qui a lancé son grand programme de cellules. De détection de l'homophobie dans les commissariats, vous savez, il y aura des référents, ils ont appelé ça des références, des mouchards. Ouais, vous n'avez pas suivi ça? Le programme de mouchardage, des activistes LGBT qui vont moucharder pour chaque commissariat, pour détecter les types qui toussent quand ils voient des fiottes. C'est pas des mouchards, c'est des policiers référents républicains formés à la haine et à la lutte contre les violences LGBT. Alors en français, en fait, ça s'appelle les gardiens de la révolution, ça, en fait. Hein. C'est, ah oui, voilà, c'est ça. Hein, il faut pour que les gens comprennent un petit peu. Les gardes roses. Les gardes roses. Oui, c'est ça. Hein. Les gardes roses du régime. C'est dommage quand même que le policier là, Xavier Jugelet se soit fait calibrer par un bougnoul là, il y a quelques années. C'est un saint. Oui, simple, parce qu'il aurait pu intégrer cette brigade et peut-être même la diriger. Hein non, moi j'ai un projet beaucoup plus ambitieux. Appelons cette brigade la brigade... Non, non, non, non, non. Mettons Xavier Jugelet au Panthéon. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, que... voilà une idée lumineuse. Oui. Voilà, lumineuse. On parle, oui, voilà. On avait parlé de juifs, de mettre des arabes, mais c'est vrai voilà, qu'on a, et j'avais on a oublié, oublié les fiottes. Le martyr de l'anus. Voilà, le martyr de l'anus. Et en plus, il est mort par un islamiste antisémite. Voilà. Ouais. Par construction. Par construction. Donc, et en plus, il aidait les migrants en Grèce, parce qu'il allait à Mykonos. Se faire comme... Bah oui, il allait à Mykonos, se faire éclater la rondelle. Bah oui. Alors, il faisait du bénévolat, c'est-à-dire qu'il prenait une espèce de petite vedette, un ferry, je ne sais pas, et il allait faire du volontariat sur quelques îles à côté pour aider les musulmans à pénétrer en Europe. Ils sont très, très focalisés sur la pénétration, tous ces gens. Et voilà, il avait fait du volontariat en Grèce, d'une pierre deux coups, si vous voulez, ouais, bien sûr. Et donc, non, vraiment, il a le profil, je me dirais presque, c'est presque scénarisé par, peut-être par des gens, je sais pas, mais il a vraiment le profil. Donc j'attends, parce qu'il faut laisser, parce qu'on peut pas non plus mettre au Panthéon tout de suite, dans la demi-heure, quelqu'un, mais je pense que 2020, c'est bien, ou 2021, ou en tout cas, un peu avant les élections présidentielles de 2022, Emmanuel Macron gagnerait à mettre Xavier Jugelet au Panthéon, une figure vraiment positive de la République. Santo oui. Subito. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Puis en attendant, on va chercher des nègres et des bougnoules. Ça manque de bougnoules. Une femme arabe. Ou une négresse. Il y a trop d'hommes au Panthéon. On va cogiter, messieurs. On va cogiter. C'est beaucoup trop blanc, ça. C'est... Je pense que ouais, si... Ouais. Si la République est encore là et que Christiane Taubira meurt de vieillesse, je pense qu'on va y avoir droit. Hein. Ah bah c'est prévu. Oui. C'est prévu. Puis on mettra un PD avec... Forcément. D'ailleurs, entre nous soit dit, on peut l'y mettre vivante. Il faut être un peu innovant. Moi, j'imagine très bien. Pour renommer les Champs-Élysées, les Champs Taubira. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, moi, je lui aménage un coin avec de la paille. Puis voilà, et les gens pourront venir. Vous voyez. Je moi, j'aimais bien l'idée de mettre Taubira dans un champ, mais bon, chacun son truc. Et vous pourriez mettre Laetitia aussi. Non, mais c'est vrai que ça ferait une Marianne en plus. Une Marianne. Enfin, on lève la statue là, sur au-dessus de la convention, mais on la met là. Ça fait un studio, on lui fait un petit studio à Taubira. Avec de la paille, comme si. Bah, il faudrait repeindre. Ouais, mais alors. Ah, tiens, justement, je pense à ça. Parce que, ouais, bon, on est porté par l'inspiration républicaine. J'aimerais bien voir la prochaine Marianne, parce que je vois des suggestions, machin. Non. La prochaine Marianne, pour vraiment envoyer un message fort contre la vague de haine homophobe qui déferle sur la France, en plus, bien sûr, de la haine antisémite, mais ça. Bilal Hassani. J'aimerais voir une transgenre, je sais plus. Mais enfin voilà, vous avez compris. Oui, un mec déguisé en femme, nouvelle Marianne. Qu'est-ce que diraient les gens? Comment dire non? Quoi? Comment? Vincent McDoom, je propose Vincent McDoom. Ah non, Bilal, c'est bien. C'est trop vieux, McDoom. C'est bien. Bilal, c'est parfait. C'est positif, tu vois. Je veux dire, en plus, il lutte contre l'antisémitisme. Il a quand même été en Israël. Tu vois, non, mais c'est vrai. Voilà. Il est d'origine immigrée, il lutte contre l'antisémitisme. C'est une fiotte. Il est républicain, quoi. Il est français. Enfin, voilà. En tout cas, bon. plus que nous. Hein. Ah ou non, moi, je... C'est trop... Moi, vous voyez, bon, moi, je suis un gang petit. Hein. Moi, pour moi, la France est trop ambitieuse. Alors, je me suis retiré de la partie. Maintenant, je me focalise sur mon village d'origine. Vous voyez, c'est mes ambitions se limitent à ça. Je laisse la France à ceux qui voient grand, vous voyez. Comme à Bilal Hassani ou à Taubira, ce qui m'empêche pas de faire des suggestions, dont ma fameuse paillasse au Panthéon pour Taubira. Ça, j'y crois assez. Voilà. Bon, bah, on va peut-être se séparer sur ces propositions républicaines. Républicaines. Taubira empaillé ou une paillasse? Non, sur une paillasse. Sur une paillasse. Pourquoi pas? Voilà, tout à fait. Bien, formidable. Emballer, c'est poser. Tu sais, il n'est pas exclu que dans certaines années, on fasse des os humains de racistes, hein, pour montrer que ça existait il y a longtemps. Ah hein. Oui, c'est vrai, ça. On ne sait jamais, hein. Il faut faire attention. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voici une espèce en voie de disparition. Le racisme. Ça, hey, non, moi, je les vois venir. Hein. Ils vont essayer de me foutre dans une espèce de truc en plexiglas au musée de l'homme. Hein. Ils vont me couler dans un cube en plexiglas et puis ils me montreront, comment dirais-je, au négrillon en 2070. Et donc, voilà, regardez, ça ressemblait à ça. Hein. Une ordure de raciste. Cryogénisé, tu sais, comme dans Star Wars. Oh non, ça coûte trop cher ça. Non, non, non, ils vont me foutre dans du formol comme une vieille vipère, vous savez. Je les vois venir. Hein. Moi, de toute façon, j'ai des dons et j'arrive à lire dans la pensée des rabbins. À la semaine prochaine, chers amis.